Bonjour à tous, et bienvenue sur ce quatrième épisode du podcast de la nuit. Ici votre cher, cher serviteur cinématographe sombre, ou Ulysse. Et nous avons donc aujourd'hui... Oh la vache, on dirait que je suis bourré. C'est ça de faire des, c'est ça de faire des épisodes après le premier de l'an. Vous êtes vraiment cons les mecs. nous sommes avec Roman, bonjour Roman. Bonjour Ulysse, bonjour les auditeurs. Bonjour les auditeurs, là on les salue. Ils sont au nombre de 4, il me semble. Ah oui. Attends, peut-être pas. Non, il y a Virginie qui est partie s'acheter des chips. On me dit que ma mère vient de quitter le podcast, donc ça fait plus que 3. Ah, ils sont plus que 2. Salut Hugo. Bonsoir Ulysse. Alors, on n'est pas le soir en forêt. Ça va. C'est l'habitude d'enregistrer les podcasts à 3h du mat. Exact. Alors... Aujourd'hui, on a un programme assez fourni parce que on va vous parler des sorties VOD et pas sorties cinéma de ce mois de décembre. Donc, on va parler de Soul, de Le Blues de Marinette, de The Witch in a Widow, de Death to 2020, de The Pool, de Songbird. Et puis, eux, ils vont vous parler de The Mandalorian saison 2. Ensuite, nous allons faire les tops de cette année de merde qui était 2020, qui a quand même eu quelques bons films. Hein. Honnêtement, c'était pas si déplorable que ça, finalement. Voilà, on va commencer du coup avec Saul. Les gars, je vous laisse commencer parce que moi, je l'ai pas vu. Est-ce qu'on peut préciser quand même... Hugo, je te laisse y aller, vas-y. Que tu n'as vu aucun film, ça, on peut le préciser quand même. Est-ce qu'on peut préciser aussi? Oui, non, voilà, j'ai pas vu les films qu'il fallait voir parce qu'en ce moment, voilà. Vous connaissez sûrement ce petit blocage cinéma, les auditeurs. Mais voilà, je reviens bientôt. Voilà, c'est à cause des salles, elles sont pas ouvertes, j'ai plus de motivation. Alors déjà, oui, bah, message à Roselyne Bachelot du coup. Alors que les salles soient fermées, c'est pas grave. Par contre, tu dis qu'ils sont en dépression, là pour le coup, tu te fous de notre gueule. Donc tu vas vite rouvrir ça. Donc, Saul de Pete Docter. Music is all I think about. From the moment I wake up in the morning... To the moment I fall asleep at night, I was born to play. It's my reason for living. Hello? What the? Wow! Oh my goodness! Oh my goodness! Help! I'm not done! Holy! Oh my goodness! Qui avait déjà réalisé beaucoup de films Pixar, comme Là-haut, comme Vice Versa, comme Monstres et Compagnie. Ça raconte l'histoire d'un mec, j'ai oublié son nom, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai vu le film. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Joey, ou Joe, Joey, ça dépend Joe, comment je le prononce. Ouais, bon, on va dire Joe, qui en gros est prof, mais il rêve de devenir, il joue du piano, donc il rêve de percer dans le monde du jazz. Et le jour où il va jouer avec son idole, il tombe dans les égouts, quoi, dans une plaque d'égout qui était ouverte, et il crève. Et donc, du coup, il va se retrouver dans la mort, ce serait une petite âme bleue, et il va se battre pour revenir sur Terre et pour faire ce show qui aurait changé sa vie. Alors, moi, je suis d'habitude un grand fan de Pixar. Voilà, je pense qu'on s'en est rendu compte quand il y avait les épisodes sur les films de l'enfance. Et je sais que les deux là, ils vont faire une remarque sur Cars 2, donc allez-y maintenant. C'est vraiment une merde. Ah ouais, tu l'as fait toi-même, c'est bon. Ah ok. Bon voilà. Du coup, j'en attendais beaucoup de Soul parce que ça avait l'air un truc de ouf, parce que c'était en sélection à Cannes. Malheureusement, c'est pas sorti en salle. Je tiens à préciser que aucune personne de ce podcast n'a vu ce film sur Disney+, et qu'on les emmerde. Ah mais non, ils emmerdent très très sévèrement là. Et si je l'ai vu sur Disney+, par contre. Tu l'as vu sur Disney+. Honte à toi, tu sors. Attends, Romain, t'as Disney+? Bah ouais. Tu me dégoûtes. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. On va changer de membre. Du coup, j'ai été quand même un peu déçu par Saul. C'est-à-dire que je m'attendais quand même un lieu. C'est en gros tout ce qu'on pourra vous dire sur l'animation. Je vais être d'accord. L'animation, c'est absolument fabuleux. C'est un film qui est magnifique, qui offre des tableaux super beaux, qui fait un mix entre l'animation 3D et l'animation 2D, qui est magnifiquement bien géré. Ça, voilà, j'ai entendu tous ces arguments et j'approuve. J'ai entendu l'argument de la BO. La BO, forcément, c'est du jazz. C'est absolument fabuleux. Le jeu d'acteur aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, enfin, si Roman, tu l'as vu en VF ou en VO. Moi, je l'ai vu en VO personnellement, mais Jamie Foxx, putain, qu'est-ce que ça fait le taf. L'ai vu en VF pour le coup. Ah bah pour le coup, j'ai testé la VF et ça marchait pas pour moi. Genre, j'étais là, j'ai essayé, hein. Mais Omar Sy, non, ça le faisait pas. Mais Hugo, Omar Sy fait franchement le taf et même, je crois que c'est Camille Cotin. C'est Camille Cotin. Qui double le 22. Et c'est bizarre parce que je reconnais pas Camille Cotin quand je l'écoute. Je me suis dit, c'est Dégout dans Vice Versa. C'est tout ce que je me suis dit. C'est oui, on reconnaît pas tellement Camille Cotin, mais pour moi la voix ne colle pas au personnage. Si. Parce que... Bah, écoute, moi j'ai pas tout vu tout le film en VF, mais d'après ce que j'ai pu voir en VF, j'ai bien fait de le voir en VO. Bref. Oui. D'ailleurs, j'ai pas osé te couper vraiment sur le moment, mais tu t'aimes bien les BO de jazz, toi. Oui. Bah putain, Matt Cowboy Bebop, mec, tu vas jouir. Vraiment. La propagande. Mais vraiment. C'est pour moi les meilleurs BO de jazz qui ont jamais été faites dans le cinéma avec Cowboy Bebop. C'est même Shinichiro Watanabe qui a monté un groupe juste pour faire la BO, c'est magnifique. Et bah je regarderai ça à l'occasion, tout simplement. Mais non, pas jamais. Pas, mais juste pas dans l'immédiat, quoi. Oui. Mais bref, du coup, je vais arriver à ce qui m'a gêné dans Saul et qui a fait que j'ai pas pleinement apprécié le film, c'est le scénario. Alors, je suis d'accord pour dire que c'est beaucoup moins pour les enfants que d'autres Pixar. Par contre, Cars 2. Genre, je t'emmerde. Par contre, j'ai trouvé. Donner le Roman. Quoi? Toujours là pour lancer sa petite crotte de nez, le Roman. Ah, toujours. Oui. Par contre, j'ai trouvé ça extrêmement prévisible, surtout la fin qu'on va pas spoil. En vrai, ça aurait été cool de spoil parce qu'il y a un... Non, alors... pas sortir de son contexte, parce que ça aurait pu me permettre d'exprimer mieux mon point de vue. Mais bref, je trouve vachement prévisible, surtout sur la fin. Et j'ai énormément de mal avec la morale du film. C'est-à-dire que la vie c'est formidable, ça vaut tellement le coup, waouh, on va vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Putain, c'est nié. Je veux mourir. Bref. Et, et j'ai trouvé... C'est le même. Tu veux lancer un même avec tous les dépressifs en mode « No, I don't think I will ». C'est exactement ça. Et genre, j'ai trouvé, alors ça c'est peut-être que moi, c'est peut-être aussi mon côté fan de La La Land qui ressort, mais j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'emprunts à La La Land dans le film. Et je pense que le film surfe un peu sur la vague La La Land. Voilà. La vague La La Land, tu parles de la vague d'il y a 4 ans. Pardon. Écoute, tu sais que ça met du temps pour prendre un film. Ça se trouve que ça a mijoté longtemps dans la tête de Pete Docter, qu'ils l'ont tourné, et après Covid, tout ça, tu connais, Disney+, etc. Ouais, que c'est inspiré par La La Land, hein. Je sais pas. Peut-être. Bah, pour le peut-être. Coup, apparemment, ça a l'air d'être inspiré de la vie du co-réalisateur Kemp Powers, qui lui, pour le coup, est un afro-américain, comme le personnage principal, et qui, d'après ce que j'en ai vu... Et pas mal influencé par le jazz. D'accord, bah je l'ignorais. En plus, il a même pas de page Wikipédia, ce monsieur. Comment on fait pour avoir des infos? Merde. De toute façon, ils ont la musique dans le sang, c'est... C'est corrélateur. Oula. Blague immédiatement annulée. Alors, il a une page Wikipédia, hein, Kemp Powers. Ah. Alors, pourquoi je peux pas accéder? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il n'a pas une page Wikipédia française, c'est pas pareil. Ah bah, faut préciser. Bah écoute, Roman, je te laisse enchaîner sur ton avis sur le film, parce que toi, je sais que tu l'as beaucoup plus apprécié que moi. J'ai adoré Saul. Enfin, c'est pas nouveau, je suis un énorme fan de Pixar, et bon, Vice Versa reste mon Pixar préféré ever, ça change pas. mais vice-versa. Et ça, il y a quand même énormément de points communs entre les deux. Et c'est peut-être ça qui m'a fait aimer aussi le film. Mais ouais, tu sens la patte de Pete Docter dans le film. Et le mec est bon, quoi. Pour les émotions, le mec est bon, quoi. J'ai revu la scène finale de Monstres et Compagnie il y a 2 jours avec les adieux de Boo et de Sully. C'est magnifique. Là-haut, est-ce qu'on en parle de là-haut? Je crois que quand le film est sorti, le cours. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu là-haut. Moi aussi, clairement. Putain, mais cette scène d'intro, rien que la scène d'intro, je crois que quand là-haut est sorti, le cours des mouchoirs a été multiplié par 4. J'en sais rien, mais franchement, là-haut c'est déchirant, rien que la scène d'intro. Vice-versa, je crois que c'est le film qui me fait le plus pleurer au monde. Qu'est-ce que j'ai chialé dans Vice-versa, putain. Qu'est-ce que j'ai pas vu de Vice-versa depuis au moins 4 ans. Mais t'es obligé de chialer. Bah, peut-être que je vais chialer, hein. Je pense que je vais chialer si je le revois, mais je l'ai pas vu depuis 4 ans, donc... Ouais, et d'ailleurs, c'est un point que, genre, dans Saul, enfin, vice-versa, j'étais, genre, en larmes, mais continuellement. Saul, j'ai, genre, dû pleurer à 2-3 moments, mais c'était très bref. Mmh. J'ai pas senti cette magie qu'il y avait dans vice-versa. Bah, j'ai pas senti non plus, pour le coup, dans Saul, mais... Putain, qu'est-ce que le film, il transporte, quoi. Le film... Vraiment, j'ai été transporté par le film et je pouvais pas décrocher les yeux de l'écran. Ça, c'est très rare parce que tu regardes tes films sur ton téléphone, fils de pute. Je t'emmerde. Ouais. Est-ce que tu regardes aussi les vidéos de Redjé le Gorilla sur ton téléphone? Ah bah non, faut regarder en salle, ça. C'est pour le grand écran. Ouais, non, j'avoue quand même. Ça, c'est de la vraie culture, ça. Ça, c'est pour le grand écran, monsieur. Il y a vraiment encore des gens qui regardent ce mec. De quoi? T'as dit quoi? Il y a vraiment encore des gens qui regardent ce mec. Bah écoute. J'ai envie de péter mon téléphone à chaque fois que je vends ses tweets. Voilà. Apparemment, il monte ses vidéos dans les EHPAD. Sans déconner. Non. Quoi? Non, mais je déconne, laisse tomber. Je pense que si ça arrivait, les vieux deviendraient sérieusement dépressifs. Oh oui, c'est le petit Régis. D'ailleurs, le sachiez-tu, il y a un compte parodique de Reggie que je trouve vachement drôle. Il y a aussi un compte parodique de Michael J. Hein. Qui s'appelle, sur Twitter, c'est @gorilleregis. Allez le suivre parce que je le trouve vachement drôle. Et tu sais que son genre en nom, il a mis In the Gorilla. Voilà. T'imagines la fusion entre les deux, putain. Attends, j'ai regardé ça. Tu peux me qualifier de macroniste, d'opportuniste, de vendu au soft power, voire même de faquin. Je préfère le terme passionné avec les dollars pour le S et un euro pour le E. Bon. Ceci est un compte parodique, il ne reflète en rien la personne qui est Reggie. La réalité est bien pire. Pas grand chose à dire, j'étais comme un gosse en fait devant le film et je pense que c'est ça que ce que je recherche chez un Pixar. C'est juste, j'étais là, devant mon projet. Le film était là. Je me regardais et juste le film me transportait et c'était beau. C'est beau, putain. Alors, j'ai pas beau, putain. Je comprends pas spécialement le « j'étais comme un gosse » parce que, justement, je trouve que c'est un des Pixar qui est le moins destiné aux gosses parce que ça pose un putain de raisonnement ultra mature qui est vraiment destiné aux adultes ou aux ados, tu vois. Et je pense vraiment que tu fous un gosse de 10 ans devant le film, il fait ouais, enfin genre il va trouver ça bien parce que c'est de l'animation, parce que machin, mais ça va pas trop lui parler, quoi, l'histoire. Et quand t'es des gosses, c'est que t'es South Park, quoi. Ah non, mais je rigole parce qu'il y a 2-3 insultes, mais après tu comprends pas tout le message politique derrière. C'est ça. Et je trouve ça vachement ironique pour un film qui parle de la mort, de ne pas savoir gérer la mort de ses personnages. Ça tire à balles réelles. D'accord, donc vous êtes terminé là-dessus, on peut enchaîner? On peut enchaîner, oui. On va parler maintenant du blues de Mariné. You rehearse like everybody else. I'm gonna get me a band and make me some records. I know how to play real music, not this jug band shit. You call that playing music? Yeah, I know what I'm doing. Go on and fire me, I don't care. When I got there, they began to say, That's to get the people's attention. Enfin, vous allez parler du blues de Marinet plutôt. De Marinet. De Marinet. Écoute, moi j'aime bien faire mariner les petits pois. Et tu dis Marinet, c'est plus stylé, pas Marinet. Donc, qui commence? Hugo, tu commences? La sauce qui comment? Ta gueule! J'étais obligé. Oh putain. C'est nul! C'est bah, nul, écoute, bordel. Mais je t'emmerde. Bah, du coup, j'ai commencé sur Saul, vas-y. Le blues de Ma Rainey raconte l'histoire donc, de Ma Rainey, une chanteuse de blues jouée par Viola Davis, et de son band, composé donc, de quatre joueurs de musique, tous afro-américains, évidemment. On est dans les années 1927 à Chicago. Voilà, c'est ça. Donc, tu sens tout de suite dans les scènes qui se passent pas au studio d'enregistrement, tu sens les scènes, tu sens la tension dans les scènes, la tension raciale. Donc on va suivre l'histoire de ce groupe qui est là pour enregistrer un disque, donc une chanson de Ma Rainey, qui s'appelle Ma Rainey's Black Bottom, ou le blues de Ma Rainey en français. Tu sens les tensions internes au groupe et les caprices un peu de diva de Ma Rainey. Et pour être honnête, le film est... Ouais, ok. Et... C'était vraiment mon ressenti pendant tout le film. C'était... Ouais, ok. D'accord. Tu veux aller où? Où veux-tu aller, film? Et... C'est pas... Ah, exceptionnel, franchement. On a une très bonne performance par contre de Chadwick Boseman, et c'est le dernier film dans lequel il apparaît. Pauvre de lui. Viola Davis est méconnaissable par contre, toute la tonne de maquillage qu'ils lui ont foutu sur la gueule. Et pour le coup, niveau acteur, ça joue très bien. C'est l'histoire, en fait, l'histoire, je m'en branle. C'est-à-dire que, oh mon dieu, des tensions internes au sein d'un groupe de blues. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, vraiment. Après, faut aimer le blues, quoi. Mais c'est même le blues, c'est même pas le sujet principal. Ouais. Non, c'est juste le sujet, c'est les caprices de Ma Rainey, les ambitions de Chadwick du coup qui joue Livy, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, les tensions un peu avec les autres membres du groupe qui sont plus âgés et qui prennent un peu Livy de haut parce que c'est qu'un petit jeune. Donc le film parle même pas tant que ça de blues et en soi, pourquoi pas. Mais je m'en fous, en fait. Hugo, un truc à ajouter? Ouais, je suis d'accord avec la plupart des choses que tu as dit, surtout en ce qui concerne le jeu d'acteur. J'aimerais bien qu'il fasse comme avec Heath Ledger à l'époque et qu'il lui remette l'Oscar en mode posthume, parce que ce serait pas volé. Après, faut voir qui y a en face, mais ce serait pas volé. C'est adapté d'une pièce de théâtre, donc moi c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais vraiment à un biopic sur sa vie, quoi. Mais non, en fait, c'est vraiment c'est quasiment un huis clos. Je trouve qu'il y a une vraie capacité à passer entre les genres, c'est-à-dire qu'au début du film, ça va vraiment être en mode rigolade et tout, ça va faire sourire. Et il y a un moment où, grosse rupture, où il y a Chadwick Boseman qui va commencer à raconter ce qui arrivait à sa mère quand il était petit et était en mode. Ah ouais, ah oui, il est un peu traumatisé le mec. Et petit conseil. Ouais. Vas-y, continue, moi je parlerai après, excuse-moi, s'il te plaît. Ok, du coup, ah oui, tu l'as pas dit, mais le film est sorti exclusivement sur Netflix. C'est Denzel Washington qui l'a produit, d'ailleurs, voilà, au passage. Oui, c'est vrai. Le réalisateur est un peu pas expérimenté, on va dire, puisqu'il... comment dire ? Il est principalement dans le théâtre de base, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont choisi. Et j'avoue que ouais, le scénario, c'est pas que je trouve l'histoire inintéressant, c'est que les personnages, surtout Ma Rainey, elle m'exaspère. J'avais envie de la frapper à tous les moments. Elle est détestable, mais au possible. Genre vraiment. À côté, Livy, c'est un saint. Bon, après ce qu'il fait à la fin... Tout ça pour pas... un putain de coca, en plus. Ouais, c'est ça, putain, pour... Ouais. Hey, moi je fais rien tant que j'ai pas eu mon coca, c'est le même genre de connard qui vont sortir. Hey, moi je fais rien tant que j'ai pas eu mon café. Oui, bah, c'est bon, allez, ça dégage. Non, mais sinon, bah, c'est un bon film, c'est sympa, ça a une bonne BO. C'est pas le film de l'année, quoi, mais ça se regarde bien. Alors, justement, ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est que si vous aimez, si jamais ça vous intéresse de voir un très bon film qui parle donc de tensions raciales, etc., enfin de tensions et qui parle aussi du coup bah, des tensions raciales, mais qui se passe cette fois-ci dans les années 60-70, je vous conseille le film que j'aime très très fort, donc qui s'appelle Détroit. De la réalisatrice Catherine Bigelow. Donc Catherine Bigelow. Bigelow, comme tu veux, je m'en bats les couilles. Qui est la réalisatrice qui a notamment réalisé le film ultra culte Die Hard, qui a réalisé le très très médiocre Strange Days. Die Hard ? Quoi ? Non, merde, putain, excuse-moi. Des mineurs. Point Break, excuse-moi, ça s'est mélangé. Elle a réalisé donc Point Break, elle a réalisé notamment Strange Days, elle a réalisé aussi pas mal de films. Donc c'est une... c'est d'ailleurs l'ex-compagne de... James Cameron, merci. Et c'est une des rares nanas, en fait, sur Hollywood qui fait du film d'action. Et c'est plutôt une bonne réalisatrice. Et elle a réalisé, du coup, en 2017, le film Détroit, qui revient en fait sur l'histoire d'un groupe de musique, je sais plus quel genre de musique c'est, en fait peut-être du truc genre chanson chorale un peu gospel, qui vont en fait suite à un couvre-feu en fait à Détroit. Si vous connaissiez pas l'histoire de Détroit dans les années 70, c'était la grosse merde, il y avait les révoltes, etc. Il y avait le Covid, c'est ça? Ouais, carrément, il y avait le couvre-feu, tout est lié. Les cinémas étaient fermés. Ah merde. Il y avait Jean Castex, tu vois. Ah non, ça c'est pire, ça c'est surtout pas. Non, plus sérieusement, du coup, voilà, il y avait les tensions raciales, etc. Et donc, ils vont se trouver dans un hôtel avec d'autres Afro-Américains et deux filles de mauvaise vie, comme on dit pour être poli. Et donc, en fait, un des blacks va vouloir faire une blague à des keufs en faisant semblant de leur tirer, en leur tirant dessus avec un pistolet pour les courses de chevaux, donc ça fait juste un bruit, ça fait pas de réelle détonation, etc. Sauf que les keufs vont croire qu'on les attaque vraiment, et donc ils vont entrer dans l'hôtel, et ça va être la merde. Je vous en dis pas plus, c'est un film qui doit durer à peu près 2h15. C'est pas vraiment un film d'action, c'est plutôt un thriller en huis clos qui se passe dans cet hôtel, avec une réalisation absolument formidable. Je l'ai vu en salle à l'époque, et je peux vous jurer que pendant tout le film, tout ce que tu fais, c'est t'enfoncer petit à petit dans ton fauteuil tellement tu te sens mal. Et c'est un film absolument merveilleux. Voilà. Donc, si vous aimez ce genre de film, je vous conseille Détroit. Il est sur Netflix. Si, voilà, ça peut vous aider à le voir. Il est sur Netflix. Bon, maintenant, on va passer à The Witch in the Window. Do you think there's something wrong with the house? Maybe. I thought I saw someone in the mirror. What kind of someone? I think a lady. Please don't make me look at her. Donc, qui est une exclusivité Shadows. On a déjà parlé de Shadows ici, pour ceux qui n'avaient pas écouté les anciens podcasts. Shadows, c'est une plateforme de VOD française qui propose du cinéma de genre, c'est-à-dire cinéma d'horreur, cinéma fantastique, tout ça, voilà. Et ils ont un très très bon catalogue. En plus, c'est le prix d'un grec par mois, donc très très peu cher. Et de très très bonnes factures, donc je vous conseille de prendre tout de suite un abonnement vers Shadows. Et voilà, donc ils ont des exclusivités. Et parmi ces exclusivités, il y a The Witch in the Window, que je n'ai pas encore vu, mais oui, que je... C'est la sorcière dans la veuve, c'est autre chose. C'est, oui, oui, non, c'est... Waouh. C'est un autre film, mais bon, c'est voilà, film. J'ai confondu les deux... J'ai confondu la version porno d'Harry Potter avec... Oh merde. Non, plus sérieusement. The Witch in the Window, c'est le voilà, je vais vous laisser vous en parler. Enfin, Roman en parler, du coup. Je sais pas si Hugo l'a vu. Non. Ok, il l'a pas vu. Laissez Roman en parler, mais moi je vais mater le film très bientôt de toute façon. Alors The Witch in the Window raconte l'histoire donc de Simon, le père d'une famille divorcée, enfin un père divorcé, un père de famille divorcé, qui va emmener son fils Finn dans une maison isolée aux États-Unis, où en fait il a acheté la maison pour, c'est ce qu'il dit à son fils au début, la retaper et la vendre plus cher que ce qu'il a acheté. Sauf que son but secret, en fait, c'est juste de garder la maison. Sauf que, en discutant avec un voisin, il va se rendre compte que une femme vivait là et est morte dans cette maison, une certaine Lydia, qui était accusée de sorcellerie et qui entrait toujours la maison. On la verrait encore à la fenêtre. Donc, d'où le titre « The Witch in the Window ». Et des phénomènes paranormaux vont commencer à arriver à Simon et à Finn. Ce film est vraiment cool. Mais vraiment, ce film est très cool. Il dure vraiment pas longtemps, je crois qu'il dure 1h15. Mais c'est 1h15 où le film prend son temps. Et vous savez que j'ai du mal avec les films qui prennent trop leur temps. Mais là, là, c'est du quotidien, c'est pas juste du remplissage. C'est du quotidien de personnage et par moment vraiment c'est juste une scène quotidienne où genre ils sont en train de faire les travaux de la maison et tu vois la gueule de la sorcière sur une fenêtre par exemple et les personnages je la vois pas mais juste elle est là, toi tu la vois, les persos la voient pas et ça arrive aussi tu la vois dans un miroir aussi par exemple jusqu'au moment où du coup les personnages vont vraiment voir la sorcière vraiment devant eux. Donc c'est vraiment une minuscule production. Le réal a pas fait grand chose à part ça. Il s'appelle Andy Mitton. Le film a vraiment une atmosphère anxiogène quand t'es dans la maison. Entrecoupé du coup de moments de répit où ils sont soit dans la ville, soit chez le voisin. Mais le film est vraiment bien. Et il y a une putain d'atmosphère. Ça joue correctement. On va dire. C'est pas transcendant, mais ça joue bien. Vous voyez The Witch in the Window. Y a pas de BO à ma connaissance. Niveau effets spéciaux, y a rien non plus. Mais pour le coup, le film en a pas besoin. Juste mater ce film, c'est vraiment chambé. D'accord. Moi, en attendant, je faisais des recherches sur. Rien à voir. Avec les compositions de Christopher Young. Je sais pas si vous connaissez ce compositeur. Ouais. Bah, c'est celui qui a fait notamment la musique de Hellraiser. Et je viens d'apprendre qu'il a aussi fait la musique de Sinister, L'Exorcisme d'Emily Rose et Jusqu'en Enfer. Voilà, d'accord. C'est tout. Ça vous fera de la culture générale. Alors, du coup, Death to 2020, le documentaire Netflix. Oh, what is it you guys want to talk about? 2020. A year whose story couldn't be told until now. Because it was still happening. Don't be filming this for one of those casual introductory shots, please. Shit's demeaning. If I leave my little helper down here, is that that's out of your box, is it? Non, c'est pas un documentaire, c'est un mockumentaire. Ah, un mockumentaire, oui. Ouais. Il me semble que Roman l'a vu. Tu l'as vu, Hugo? Ouais. Ok. Bah, du coup, Hugo, qu'as-tu pensé de Death to 2020? Bah comme Roman l'a dit, c'est un documentaire, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas, c'est un faux documentaire qui retrace tous les événements de 2020. C'est sorti également sur Netflix, ça a été fait par les créateurs de Black Mirror. Ça dure genre pas longtemps, 1h10 je crois. Et, ouais, 1h10. Ouais, et c'est franchement pas mal. Je trouve que bon, en termes de réalisation, on n'est pas sur un voilà, mais c'est pas ce qu'on recherche. Enfin là, vraiment, c'est juste une comédie où vraiment tu as envie de rire et de revenir avec ironie sur ce qui s'est passé durant cette année de merde. Les vannes m'ont fait rire, les vannes m'ont plutôt fait rire. C'est tellement anti-Trump, c'est un truc de malade. Genre ils aiment pas vraiment pas Donald Trump. Bon, en même temps, qui aime Donald Trump? Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Il y a un truc qui m'a fait mourir de rire, c'est à un moment, ils utilisent beaucoup les vidéos YouTube. Donc vous voyez comme si sur l'écran, t'avais, tu sais, à gauche t'as la vidéo et à droite t'as les recommandations. Et à chaque fois, je mettais pause pour lire les recommandations tellement ça me faisait rire. Genre, il y en a eu, je sais plus, c'était un truc du genre Bolsonaro, nie des rumeurs de problèmes d'érection ou genre des trucs comme ça. Enfin, t'avais que des trucs à la con comme ça et j'ai tapé des barres. Enfin, c'est vraiment con, mais j'ai rigolé. C'est pas, voilà, encore une fois, c'est pas exceptionnel. Je trouve que, bon, ils arrivent quand même à trouver des vannes. La plupart des acteurs jouent bien. Il y a des personnages absolument détestables. Je pense à je sais plus comment elle s'appelle, mais la fille qui reste tout le temps chez elle, là, machin. La citoyenne ordinaire, c'est, je crois que c'est mon personnage préféré. Oui. C'est mon personnage préféré. Oui, elle est incroyable. Il y a la Karen aussi. Laquelle? Le cliché de la Karen, en fait. Ah oui. Il y a qui est vraiment drôle pour le coup aussi. Ouais. Et il y a j'ai cru que vous avez. J'ai douté. Je savais pas si vous avez dit Karen ou Kairon. La Karen, quoi. La Karen. Ouais, ouais. Il y a comment il s'appelle, le milliardaire qui s'en bat les couilles du reste et qui veut que sauver sa vie. Au début, j'étais en mode. C'est Hugh Grant, non? Je crois, ouais. Ouais, c'est Hugh Grant. Au début, j'étais en mode. Il va aider les gens. Et tu sais, il est là. Ok, alors en fait, moi de base, j'y croyais pas. Et puis quand j'ai écouté Greta Thunberg, j'ai pris conscience de quelque chose. Du coup, je me suis dit, il faut que je me fasse construire un bunker parce que je suis dans la merde. Voilà. Et il y a l'autre qui m'a fait rire aussi, c'est le mec là. Comment il s'appelle, le gars de Stranger Things? Je crois que c'est Joe Carey, mais je suis pas sûr. Alors. Ah oui, ok, je vois de qui tu parles, ouais. Le mec qui s'est fait de la thune, mais genre énormément de thune, juste en publiant des vidéos de lui qui réagit à des événements qui se sont passés en 2020. Oui, ok, je vois. Non mais, enfin bref, c'est très caricatural, je trouve que les caricatures sont bien gérées, ça se regarde très facilement, c'est pas long, il y a un bon cast. Donc voilà, moi c'est le premier film que j'ai vu en 2021 pour dire adieu à cette année de merde. Donc voilà, je vous invite à faire de même. C'est aussi le premier film que j'ai vu en 2021. Pour le coup, je serais pas aussi dithyrambique que toi. J'aimais quand même pas mal de réserves sur le film, dans le sens où il m'a pas fait franchement rire. Il y a eu les scènes avec la citoyenne ordinaire qui étaient un peu drôles, et les scènes avec la meuf qui est pas raciste, mais tu vois un peu. Oui, c'est celle-là, je disais, genre, quand je disais, ouais, j'arrivais pas à trouver son truc. Oui, la Karen, quoi, oui. C'est... Ouais, la connasse. Oui, bah, c'est un synonyme. C'est un vie noir, quand même. Ah, elle s'appelle Cathy. Cathy, dans le... c'est le nom du personnage. Ah, oui, voilà. Et, ouais, Hugh Grant et Samuel Jackson m'ont pas fait rire tant que ça, pour le coup. Lisa Kudrow aussi, un peu plus, déjà. Et moi qui suis pas du tout fan de Friends, me faire rire avec Lisa Kudrow, c'est rare. Je crois à ma connaissance, il y a juste ça et Easy Girl qui ont réussi à faire ça. Vous voyez, Easy Girl, c'est génial. C'est un des meilleurs rôles d'Emma Stone. Mais ouais, le film est pas si drôle que ça, je trouve. Il est à montrer aux fans de Hold Up, par contre. Mais je replace ma bête noire autant que je peux, d'accord ? Il y a des fans de Hold Up ? Ouais. Pas des fans, mais des fervents défenseurs qui suivent aveuglément un film qui te dit qu'il faut pas croire des informations officielles et sourcées, mais qu'il faut croire une poignée d'illuminés tant qu'ils mettent de la musique dramatique en fond. Source du film, voilà, c'est vrai. C'est ça, exactement. Source, c'est TKT. Qui me l'a dit. Hugo n'hésite pas à replacer 30 jours max, moi j'hésite pas à replacer Hold Up. Je le ferai tant que j'aurais pas eu mon putain de DVD d'Elmo au pays des Grincheux. Ah là là là là, il a encore placé un film totem de l'émission. Non mais franchement, alors du coup tu disais que le milliardaire qui était dans son bunker c'était Hugh Grant. Non, Hugh Grant c'est l'historien. Oui, voilà, c'est ça, oui. Voilà, juste, voilà. L'historien, je l'ai trouvé pas mal drôle, surtout quand il te sort, il sort des vannes du style, et c'est à ce moment-là que je sais plus, j'ai pas vu la fin de Game of Thrones, donc bref, à ce moment-là que les géants des glaces se sont réveillés et qu'ils ont attaqué Westeros. Mais ça, c'est Game of Thrones, ça. Ah oui. Non, ça s'est vraiment passé. je crois que le running gag qui m'a fait le plus rire, c'est quand t'as la citoyenne ordinaire qui regarde les infos et qui croit que tout ce qui se passe aux États-Unis c'est une série. Et qui fait, ouais, c'est quand même un peu tiré par les cheveux le scénario, quoi. Bref, voilà, quand on parle de... Je me rends compte que quand on m'entend parler, on dirait que j'ai préféré ça à Saul. C'est pas le cas, les gens. Les deux sont bien, mais c'est juste que Deathloop 2020, c'est vraiment un truc... C'est vraiment un truc à la con, quoi. Où vraiment, tu te poses devant et tu rigoles et c'est tout. Celle qui joue la reine d'Angleterre dans Mort en 2020, elle s'appelle Tracy Ullman. Et elle présentait une émission à la fin des années 80 et au début des années 90 qui s'appelait le Tracy Ullman Show, qui est l'émission où sont apparus les Simpsons, en fait. Mmh. Voilà, le petit point culture, c'est cadeau. Il m'apprend tous les jours grâce à Kipo Quiz. Oh, ta gueule, toi, ta gueule. Ferme ta gueule. En attendant, toujours est-il que moi, c'est pas forcément eux qui m'ont fait rire ce matin, c'est plus Pierre Ninet. Voilà, clairement, Pierre Ninet, si tu écoutes ce podcast, bah, bien vu. Tu sais qu'il écoute pas ce podcast ? Oh, on sait jamais. John Carpenter, si tu écoutes ce podcast, j'adore ce que tu fais. J'en profite. Alejandro Jodorowsky, si tu écoutes ce podcast, viens, fume un pétard. J'en profite, Margot Robbie, si tu écoutes ce podcast, j'aimerais bien qu'on part en date tous les deux, voilà. Donc, n'hésite pas. Clive Barker, si tu écoutes ce podcast, je suis célibataire. J'en profite au cas où, si Margot Robbie n'est pas d'accord, Anya Taylor-Joy, je suis aussi célibataire, voilà. On sait jamais, trop d'opportunités. Donc, à présent, on va passer au film The Pool, qui est encore une fois une exclusivité Shadows. Ouais, ils ont fait deux exclusivités ce mois-ci, c'était plutôt cool. ขอโดดน้ำทีได้ป่ะ อย่าโดดก้อย Je peux intervenir avant que Roman parle du film. Faut savoir que il est arrivé très très tard en France parce que dans la plupart des pays, il est sorti en 2018. Voilà. Ouais. Il était trouvable en streaming assez facilement déjà depuis mars, il me semble. Ouais, ouais, ouais. Et donc, il est arrivé sur Shadows en décembre, le 24 décembre, oui. C'est la dernière exclu Shadows de l'année. Ils en sortent une par mois généralement, mais là, ils en ont fait deux pour décembre parce que c'est Noël. Ouais. Et donc, The Pool, c'est un film thaïlandais réalisé par Ping Luprapleoeng. Ping, voilà, donc je me risquerai plus jamais à reprononcer le nom du réalisateur. D'ailleurs, je vais dire les noms des acteurs juste une fois et après j'arrête. Donc on a dans le rôle principal un mec qui s'appelle Day, qui est joué par Theradej Wongpuangpan, et donc sa copine Kai, qui est jouée par Ratnamon Ratchiratam. Voilà, donc j'arrête. Oui, on l'appelle comment notre fille? Raptamon. What? Pardon, excusez-moi. Et donc ça raconte l'histoire de du coup Day qui travaille dans une piscine et qui avait loué la piscine une piscine municipale qu'il avait loué du coup pour un tournage la veille. Et du coup, c'est les vacances, tout le monde est parti, et il se retrouve coincé dans la piscine, en fait. Il n'a pas vu que l'eau de la piscine était en vidange, et que du coup, le gars se retrouve piégé dans la piscine, dans une piscine de 6 mètres de profondeur. Et comme si ce n'était pas suffisant, sa copine vient se rajouter par accident, et... Par accident, un autre invité surprise arrive, à savoir un crocodile. Parce que, par accident, il se passe beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est même ce que je me suis souvent dit en regardant le film, c'était « Putain, par accident, il s'est passé tout ça !» Genre, vraiment, par accident, sa meuf a pas vu que la piscine était en train de se vider, que du coup, il serait piégé. Par accident, le crocodile est tombé dans la piscine. Par accident, le mec a eu 3 fois la possibilité de se sortir de là, mais ça s'est pas fait. Vraiment, il s'en passe des choses par accident dans ce film. Et c'est un peu tiré par les cheveux, du coup. Comme dit Orelsan, j'écris des textes tirés par les cheveux comme ta meuf en levrette. Ben, c'est exactement ça. Ce film est une levrette constante. Et c'est assez dur de le prendre au sérieux au bout d'un moment, tellement tu te dis il faut qu'il se passe tout ça pour que ça arrive. Mais au final, t'es quand même pris dans le film. Je ne ferai pas de mots avec être pris et la levrette, mais au final, le film a quand même une bonne atmosphère assez angoissante. Donc c'est un survival plutôt sympa. Même si très what the fuck dans ces situations, mais au final ça cesse de regarder et c'est plutôt plaisant à voir. Et ouais, la réa est très cool pour le coup. On n'a pas l'habitude de voir de la réa thaïlandaise dans nos vertes contrées françaises, mais ça fait plaisir à voir. Pour le coup, c'est pas différent de ce qu'on voit par exemple à Hong Kong avec par exemple Dream Home. Par contre, je t'arrête tout de suite. Est-ce que ça veut dire que The Pool est un film de catégorie 3? Non. Ok, bah alors le con. Pas Dream Home, espèce de fils de pute. Désolé. Tu sors? Oui. Non, mais tu compares pas les films de catégorie 3 à des films qui ne sont pas de catégorie 3, voyons. C'est péché. Moi, j'ai une question parce que j'ai pas. Vas-y, parle. Premièrement, je m'en bats les couilles. Deuxièmement, j'ai juste comparé une mise en scène, c'est tout. Ah, pardon. J'ai dit que la mise en scène n'était pas différente de ce qu'on voyait par exemple à Hong Kong avec Dream Home, et j'aurais pu dire The Eye aussi, mais on s'éloignait trop des films là, parce que The Eye c'est un film de fantôme pour le coup. Mm-hmm. Ouais. Bon. D'ailleurs, voyez The Eye, c'est très cool. Parce que je fais 15 trucs en même temps, tu sais, les devoirs, le poste que j'écris, et en même temps, que, évidemment, ouais, voilà. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse mes exercices d'espagnol avec le micro ouvert, c'est comme vous voulez. Je pense que ça intéresse tout le monde, tous les auditeurs veulent entendre ça, hein les gars. Carrément, ouais. Moi j'ai une question parce que... C'est quoi J'ai pas eu le temps de voir ce film, même si honnêtement, je me dis pourquoi pas. Faut savoir que ça me met très mal les crocodiles. Parce que, bref, il y a une histoire. Après, j'ai aussi beaucoup joué à Red Dead Redemption 2. Du coup, tu sais, quand tu te fais chauffer par un crocodile géant par surprise dans le marais, voilà. Bref, plein de raisons qui font que ça me mettra mal. Donc, est-ce que le crocodile est bien fait? Parce qu'il y avait Crawl de Aja, où tu sentais un peu trop les images de synthèse, je trouve. Est-ce que là, comment est fait le crocodile, tout ça? Alors, là, tu sens les images de synthèse dans les plans rapprochés, pour le coup. Mais en dehors de ça, en gros, tant que le crocodile bouge pas trop, tu sens pas trop la synthèse. La scène où il tombe dans la piscine, par contre, c'est ridicule. Vraiment. Oh là, c'est une petite glisse. Il glisse sur des... il s'approche du chien qui est attaché pour essayer de le bouffer, mais il glisse sur des tubes en métal. Et attends, d'un coup, il essaie de bouffer un chien. C'est cliché dégueulasse sur la Chine. Déjà, de 1, c'est la Thaïlande. De 2, c'est un propos. C'est ça. Pareil. Donc, rapport sur 20. Et non, pour le coup, le crocodile ne fait pas si peur que ça. Là où la tension se joue, c'est à la fin, quand tu as une menace de noyade, par exemple, quand un personnage risque de se noyer. Ou même tout simplement la fin FIM, parce que du coup les personnages restent plusieurs jours dans la piscine, et pour le coup c'est vraiment bien foutu à ce niveau là. Le crocodile c'est plus une péripétie qu'une menace, on va dire. Du coup Hugo, c'est à toi. C'est à moi de parler de Songbird 2, j'ai pas ouvert de page au préalable parce que je fais pas mon travail. Oh mon dieu, mais quel... Ah! C'est à moi de parler de Songbird 2, Adam Mason. Curfew is now in effect. All unauthorized citizens must stay indoors. Tensions rise as we enter the 213th week of lockdown. A grim new reality emerges. COVID-23 has mutated. Beginning thermal scan. Thermal scan normal. A horrifying new development new today. New data confirms the virus attacks the brain tissue. I'm immune! Alors, c'est un film produit par Michael Bay. Voilà. D'ailleurs, c'est le seul argument de vente du film, c'est-à-dire que sur toutes les affiches, vous allez avoir Michael Bay. C'est vraiment même. C'est normal. Oui, mais je crois que même le nom des acteurs n'est pas sur les affiches, quoi, pour te dire le. Si, quand même, j'abuse. On retrouve Archie Andrews de Riverdale qui vit en 2023 et qui est immunisé contre le virus. Et c'est bien un des seuls. Et du coup, tout le monde a le seum contre lui. Et voilà. Coronavirus. Et en gros. Coronavirus. Je suis d'accord. Et en gros, là par contre, je vais un peu. Je vais spoiler parce que je m'en bats les couilles, parce que c'est créé avec le cul, donc je m'en fous. Du coup, il y a sa copine qui est enfermée chez elle avec sa grand-mère parce qu'elle n'est pas immunisée. En fait, on va savoir à la dernière seconde du film que. Enfin, j'abuse, mais vraiment à la fin, que en fait, si elle était immunisée et que du coup, tout le film ne sert à rien, globalement. Ils peuvent pas se voir et du coup c'est triste parce que lui il est d'un côté de la porte et elle est de l'autre et ils peuvent pas se voir alors qu'ils sont amoureux. C'est quand même moins pire que ce que je pensais, c'est à dire que il y a quand même un bon jeu d'acteur, c'est étonnant venant d'un mec qui joue dans Riverdale. Il y a une bonne BO et visuellement il y a des choses vachement intéressantes, surtout chez la meuf qui fait des trucs en ligne qui s'appelle May, qui est jouée dans Alexandra Daddario, qui est connue pour ses rôles dans Percy Jackson et dans Baywatch. Sinon, y a un truc qui nique totalement le film, c'est que déjà la réalisation et le montage, c'est pas ouf. Et surtout, c'est créé avec le cul, quoi. C'est-à-dire que le film fait 1h30, 1h30. 1h30, 1h30, oui, bien sûr. C'est ça, c'est l'intelligence, vous ne pouvez pas comprendre. Enfin, bref. Désolé, c'est la fatigue. Et que, en fait, tellement leur intrigue principale tenait pas le coup, tellement c'est mal foutu, ils ont été obligés de te rajouter des intrigues secondaires qu'ils essayent tant bien que mal de lier entre elles. Genre la meuf, en fait, il va, pour qu'il puisse sauver sa copine qui s'appelle Sarah, il va... aller voir une famille de riches qui s'appelle les Griffins, qui font du trafic de bracelets d'immunité. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as ce bracelet, tu peux circuler librement parce que ça veut dire que tu es immunisé contre le virus. Et eux, ils font du trafic, ils ne sont pas immunisés, mais ils ont des bracelets. Et donc, il va aller les voir pour avoir des bracelets. Sauf que du coup, le mec de cette famille a une relation avec la meuf qui fait ses trucs par Internet. Donc, tu vois, ils essayent de faire des liaisons entre les trucs, sauf que tu vois clairement que c'est pas bien écrit et que vraiment c'est, on dit ouais ok, donc eux ils ont une relation histoire de dire que elle sert pas totalement à rien celle-là, donc voilà, je ne conseille absolument pas ce film. J'espère juste que ça va pas être comme ça le Covid, parce que sinon on est un peu dans la merde, quoi, mais ne regardez pas Songbird, franchement ça dure 1h30 et c'est une perte de temps. Voilà. Bon, alors vous savez que j'ai fait un petit point Christopher Young. Et oui, bon, c'est cramé que le prochain poste que je vais faire s'appellera Hellraiser. Mais sachez que je viens d'apprendre que le mec, donc Bob Keane, le mec qui gérait les maquillages et les effets spéciaux de Hellraiser, ce gros fils de pute avait un CV encore plus massif que mes couilles. Je cite, il a fait les FX et les effets spéciaux de Star Wars 4, 5 et 6, L'Histoire sans fin, Dark Crystal, Event Horizon, Alien, Highlander, Candyman, Waxworld et Krull. Ça fait beaucoup. C'est un gros fils de pute. Mec, son CV, il y avait presque que des bons films. Il semblerait que tu aies le seum, Ulysse. Est-ce que je me trompe? Non, mais c'est pas comme si mes rêves dans la vie c'était soit être réalisateur, soit faire des SFX. Hein, non, pas du tout. J'ai pas le seum. C'était le petit point Bob Keane. À présent, nous allons écouter Roman et Hugo parler de la saison 2 de The Mandalorian. The songs of eons past tell of battles between Mandalore the Great and an order of sorcerers called Jedi. You expect me to search the galaxy and deliver this creature to a race of enemy sorcerers? This is the way. Ok, alors, je vais juste dire un truc. Ce final déchire sa grand-mère la pute. Bordel de merde, c'est trop bien. Tellement putain, c'est beaucoup trop bien. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, on suit les pérégrinations de Mando. Et donc, on apprend que Baby Yoda s'appelle en réalité Grogu. Et si vous n'aimez pas Baby Yoda, vous avez des gros goûts de merde. Oh oui, voilà, alors là, je dis oui. J'ai placé la blague. Alors là, je dis oui. Et donc, on suit Mando qui essaye de retrouver les semblables de Grogu, à savoir les Jedi. Pour ce faire, il va rencontrer d'autres Mandaloriens. Et il va rencontrer des Jedi au cours de la saison. Ça déchire. C'est beaucoup trop bien, Mandalorian. Juste regardez Mandalorian, quoi. Je sais plus quels réalisateurs se sont succédés sur la série. Enfin, sur cette saison-là, en tout cas. Bah attends, c'est pas évident. David Lynch, Arthur Schopenhauer. On a même un caméo de Stan Lee. C'est faux. malheureusement... Tu t'ouvres une plaie là, Ulysse. Hein. Tu vois, ça commence à. Ça avait cicatrisé, mais là. Ça va, c'est pas comme si Stan Lee était mort. Alors, du coup, dans le rôle principal de Mandalorian, on retrouve évidemment Pedro Pascal. J'adore ce nom, bordel de merde. Pedro Pascal. C'est génial. Avec l'accent. Pedro Pascal. Donc, les réalisateurs qui sont succédés, on a du coup Jon Favreau. On a Peyton Reed, qui est le réal des deux Ant-Man. Qui a. Réalisé, bah c'est lui qui a réalisé l'épisode final de Mandalorian, justement. Je m'en branle. Il a volé la place de Edgar Wright. On a Bryce Dallas Howard, du coup, la fille de Ron Howard. Oui, Bryce Dallas Howard. Alors, les gars, j'étais ultra dingue quand j'ai découvert ça. Carl Weathers a réalisé l'épisode 4 de la saison 2 de Mandalorian. Et là, vous allez me dire, mais qui est Carl Weathers ? Qui est Carl Weathers ? Qui est Carl Weathers ? Apollo Creed. Tu as oublié un réalisateur quand même de qualité. Et qui joue d'ailleurs dans l'épisode. Un réal de qualité dans la saison 2 ? Je crois que tu as oublié Robert Rodriguez. Oui, c'est vrai. Attends, j'ai pas fini là. Il y a Dave Filoni, du coup, qui est le créateur des séries Clone Wars et Rebels. Il y a du coup Robert Rodriguez aussi, ouais. Robert Rodriguez, si vous connaissez pas, c'est un putain de réalisateur qui a réalisé des chefs-d'œuvre, comme par exemple Spy Kids. Sharkboy and Lava Girl. Aussi, ouais. En plus, il a sorti un film sur Netflix. Il a sorti un film sur Netflix il y a pas longtemps, Robert Rodriguez. On aurait pu en parler, mais... mais non, j'ai vu la bande-annonce, j'étais... Quoi? Ça m'a intrigué. Je crois que c'est la suite de Spy Kids, mais je suis pas sûr. D'ailleurs, Popular Opinion... Il a pas produit la suite de Sharkboy et Lava Girls, justement. Alors, je crois que c'est la suite de Sharkboy et Lava Girls qui est sortie. Je trouve que From Dusk Till Dawn, j'oublie tout le temps le titre français. Ah non, du coup, je dis de la merde. C'était pas la suite de Spy Kids, mais ça reprend des personnages de Sharkboy et Lava Girls. J'ai dit de la merde, j'ai confondu. Mais il l'a pas réalisé, je crois. Est-ce que... Si. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que From Dusk Till Dawn, je me souviens plus du titre français, c'est un film de merde. Union en enfer. Je l'ai pas encore vu. Mais c'est pas écrit par Tarantino. Si, c'est aussi écrit par. C'est écrit ok, par... j'adore ce film. Mais non, mais c'est de la grosse merde. Vraiment. Non, je l'ai pas vu, du coup, je peux pas te dire. La première partie est vachement cool, mais à partir du moment où ça rentre dans le bar, je trouve que c'est pourrave. Attends, il y a Selma Hayek qui fait un striptease, comment ça pourrait être nul ? Bah justement, c'est une des seules bonnes scènes du film. Bizarrement, c'est la seule scène où je me suis dit « Ah ouais, peut-être que le film essaie de m'apporter quelque chose, de m'offrir une expérience. » Non, après, le reste, ça part en couille, c'est un peu pourri. Et ça fait vraiment... Bon, je sais que c'est pas à prendre au sérieux, mais même quand je le prends pas au sérieux, Une nuit en enfer... Ça va, il y a Tarantino qui fantasme sur des pieds, ça va. Il joue même dans le film. Oui, je sais. Ouais, certes, mais bon... Non, même le perso de Tarantino, il est cool, mais... Enfin, il a quand même 2-3 bonnes punchlines, genre... Au Mexique ! Mais qu'est-ce qu'il y a au Mexique ? Des Mexicains. Waouh ! À part ça... voilà, quoi. D'ailleurs, fun fact, donc les personnages de par Tarantino et George Clooney sont frères, c'est les frères Gecko. Oui, et c'est, et... Ouais, c'est par rapport à... Est-ce que c'est Seth Gecko? Oui, le personnage de George Clooney s'appelle Seth Gecko, et du coup le nom, le nom de scène de Seth Gecko vient de là, justement, vient de, d'Union d'Enfer. Génial. C'était ça l'anecdote? C'était ça le fun fact, c'était Seth Gecko qui tire son nom de, d'Union d'Enfer. Ah bah du coup, désolé parce que je t'ai grillé ton truc, quoi. Ah merde, oh la vache. Bon. Alors, on va quand même revenir sur The Mandalorian. Bah non, parce que j'ai pas parlé. Ah oui, c'est vrai, merde. Bah écoute, va parler, moi je vais me bouffer un truc, j'ai trop la dalle. Vas-y, va bouffer. Bah du coup, The Mandalorian, putain. Moi, c'est-à-dire qu'au moment où on a fait l'épisode où, Roman vous avait parlé du début de The Mandalorian saison 2, j'avais vu les trois premiers épisodes de la saison 1 un an avant. Donc, grosse pause, tu vois, dans la série. Et du coup, je me suis dit, putain, en vrai, ce serait cool que je reprenne. Et genre, j'ai dû tout bouffer en deux jours. C'est la meilleure chose qui soit arrivée à Star Wars sous Disney, clairement. Jon Favreau, même si t'as niqué le Roi Lion, merci pour The Mandalorian. Et Iron Man 2. Et Iron Man 1 aussi. Pas le, c'est vrai pas que le 3 est pas ouf en vrai. Ouais, non, pas bah, le 3, il l'a pas fait, ça tombe bien. Ah bon? C'est pas lui. Ah, c'est Shane Black le 3. Ah merde, ah bah bref. Du coup, je pense que sans spoiler, hein, la fin, c'est pas possible. Tu ne peux pas jouer avec l'émotion de tes spectateurs comme ça. Et c'est pas français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que T'as vu la scène post-générique? Ouais. Ouais. Qui est une pub. Hein. Qui est complètement en teaser. Bien sûr. Non mais c'était alors sur le dernier épisode sans Roman tu me comprendras et ceux qui ont vu le film me comprendront. Oh, c'est tellement mal fait. Les effets numériques sont si mal faits. Alors c'est vrai mais en même temps c'est pas si surprenant que ça quoi. Enfin reproduire le visage de quelqu'un c'est compliqué. Oui, c'est clairement compliqué. Après, clairement, bon, on va pas se plaindre. Voilà, je pense que cette fin, tous les fans de Star Wars ont hurlé devant leur écran. La fin, c'est-à-dire que t'as un moment où t'es en mode, ça fait, tu hurles parce que t'es content. Après, tu chiales ta race. Et après, t'es trop hypé pour la saison 3. Qui arrivera en 2022. Je pense que... Non, 2021. Non. Fin 2021. Parce que bah justement, tu vois la scène post-générique qui tease la série sur Boba Fett. Ouais. Et bah, Jon Favreau, il va se concentrer sur ça. Et du coup, ça décale. Enfin, d'après ce que j'ai vu, ça décalerait la saison de The Mandalorian à 2022. Ok. Donc, oui, du coup, on a Boba Fett dans la saison 2 de Mandalorian. C'est vrai. Apparaît. Ouais. Alors, il y a une sous-intrigue avec l'armure de Boba Fett qui apparaît dès le premier épisode de la saison 2. Dès le premier, son deck. C'est le premier, ouais, avec le ver géant. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a eu mais un... Mais sinon, y a un sinon truc Boba Fett arrive à l'épisode 6 de la saison 2, je crois. Ouais. D'ailleurs, oui, petit big up à notre pote Ethan Ciné sur Instagram, qui pensait que le ver géant dans The Mandalorian était un gros plagiat de Dune. Du coup, il y a le... Oui, c'est ta raison. Je crois que c'est épisode 6. Oui, c'est l'épisode où Grogu est sur la montagne. Oui. Et ouais. Et du coup, il y a un truc que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est que, je sais pas si vous voyez, je sais pas si ça se remarque en salle, parce que je le remarque pas en salle, mais genre que quand je le vois chez moi. Mais dans les films de Nolan, t'as des moments où genre les styles de réalisation sont pas pareils. T'as des moments où genre l'image va prendre tout l'écran et t'as des moments où il y aura les bandes, tu sais. Oui, Nolan prend de l'IMAX que pour les scènes d'action, ouais. Ouais, enfin, c'est pour les scènes importantes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils ont fait là dans l'épisode 1. Et j'ai trouvé ça vachement cool comme effet. Voilà. Et du coup, regardez The Mandalorian. Ne regardez pas sur Disney+. Venez voir en MP, je vous fais un WeTransfer avec les épisodes. Ça vous évitera de donner de l'argent à ces connards. Voilà. Bon, du coup, je pense qu'on a fini sur ça. Je pense qu'on a fini sur les actus. Et les fans de Star Wars, ils peuvent fermer leur gueule. Parfait. Non, jamais. Oh là là, les gars. Aujourd'hui, du coup, maintenant, c'est l'heure d'attaquer notre top 10 de 2020. Le truc que tous les cinéphiles font en fin d'année. Et bah, on va pas déroger la règle. Et déroger. Donc, voici donc le top de chacun de 2020. Alors, je pense que je vais commencer parce que ça fait à peu près une heure que vous parlez de films et que moi, j'ai toujours pas ouvert ma gueule. Ouais, que tu fais les bacs. Eh bien, écoute, je te laisse commencer. Ok. En dixième position, j'ai décidé de prendre un film du coup qui est sorti en VOD, qui est donc des studios Blumhouse, à savoir le film Nocturne. I have to beat her. Invocation. Where's Theory Book? I've been reading it, studying it. Assurance. It's like it's talking to me. It's taking control. Triumph. You stole my peace. I knew you were jealous. Everybody else does too. Something's up with you, Jules. I won't be there to pick up the pieces. Donc j'avais parlé donc il y a dans le premier épisode du podcast de la nuit, je pense, je crois. Peut-être le deuxième. Ou le deuxième peut-être. Je crois que c'était le premier. Parce que de mémoire, on n'était pas du tout organisé. Peut-être. Est-ce qu'on est encore organisé aujourd'hui ? Non. Non. Il y a du progrès, il y a du progrès, c'est tu peux pas le nier ça. Donc c'est un film qui est réalisé par Zhou Qiang, qui est sorti donc en octobre, et qui est vachement sympathique. En fait, je vais tout de suite être honnête, 2020, c'est pas l'année où je suis allé le plus au cinéma. Déjà parce que le cinéma était fermé, et ça m'a vraiment donné un gros coup au moral. Et j'ai toujours eu ce petit truc de la salle de cinéma où j'aimais beaucoup y aller pour voir des films. Et le fait que ce soit plus présent, en fait, bah, ça me foutait vraiment mal. Et j'ai du mal, du coup, à voir les films en VOD. J'essaye des fois de me forcer, mais j'ai du mal. Mais du coup, voilà, j'ai pas vu énormément de films, malheureusement. Mais du coup, bah, j'ai fait une sélection et il y a quand même quelques films que... Voilà. Donc, Nocturne, ça raconte l'histoire, en fait, de deux sœurs. Donc les sœurs Lowe, qui sont dans une école de musique assez prestigieuse. Et sauf qu'il y a une des sœurs, en fait, qui est plus talentueuse que l'autre. Et ça va faire créer une grande rivalité entre les deux. Sauf que, en fait, un jour, t'as une des deux sœurs qui tombe, en fait, sur un carnet de musique avec... une musique, donc les Sonates du Diable, qui en fait serait une sorte de culte sataniste pour invoquer des démons. Et elle va donc faire un pacte avec le diable afin de devenir une excellente pianiste. Et ça va grave partir en couille. Nocturne, c'est un film avec une image très très léchée, très très intéressante, qui va beaucoup dans les tons de couleurs forts. Ce qui peut parfois faire penser un peu au Giallo. Je sais pas si vous avez vu Nocturne. Non, entre temps, vous avez pas vu ? Non, c'est le seul à avoir vu. On a vraiment donc des tons de couleurs très très forts. Par exemple, vous voyez ce qu'on retrouve sur l'affiche, le côté jaune, rouge, rose. Et du coup, voilà, on est sur une mise en scène qui est plutôt efficace, une image très très léchée, même beaucoup de symbolique dans le film au final, notamment la couleur jaune qui représenterait une sorte de danger. Et tout le film en fait est une sorte de grosse descente aux enfers avec un peu un délire à la Ari Aster, c'est-à-dire il y a deux trois éléments qu'on voit en fait dans le film qui laissent présager en fait ce qui va se passer après à travers des dessins ou des trucs comme ça, et voilà, c'est très intéressant. Après, j'ai vu une vidéo de Drawer, le youtubeur, donc qui parlait du film et qui disait qu'il trouvait que le fait de à chaque fois revenir en fait sur ces éléments en fait ça fait qu'ils sont moins subtils. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais j'ai pas trouvé ça si dérangeant que ça. Au final, on est sur un film avec des super actrices, de la super musique, un film très très envoûtant en fait. C'est ça le truc, le film est vachement envoûtant, tu le mets, t'es dans un univers très particulier. Et voilà, j'aime bien les films qui tournent autour de la musique, parce que la musique c'est une de mes passions, c'est voilà. Tout le monde aime la musique, de toute façon, ceux qui n'aiment pas la musique, c'est le genre de personne qui écrase des chiens dans la rue. Intentionnellement, bien sûr. Et voilà. Je vous conseille Nocturne, c'est sur Amazon Prime et c'est de la très très très bonne cam. Sniffez-en à ne vous en déchirer les narines. Et bah, c'était fort constructif, Ulysse. Merci. Comme Hugo. Aha, aha, aha. Oui, je sais, je sais. Ça y est, on n'a plus qu'à aller au pays des grands chauds et les Portugais dans l'épisode, c'est bon. On joue. Il manque les Québécois. Ah merde! Donc en numéro 10. Je vais vous parler du cas Richard Jewell, qui est donc le dernier film de Clint Eastwood. Let's get a new tape going. All right, Richard, here's what we're going to do. We need a voice exemplar. I want you to say into this phone, there's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. Richard, you're a national hero now. Thank you, sir. But I was just doing my job. Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell et Kathy Bates dans les rôles principaux. Le cas Richard Jewell, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça raconte l'histoire donc, de Richard Jewell, un agent de sécurité dans un parc, qui va tomber sur, sur un colis piégé. Enfin, pas un colis piégé, mais un sac piégé pendant le festival du 4 juillet, il me semble. Et en fait, il va être accusé de lui-même avoir posé ce sac piégé ici parce que un désir de reconnaissance, il voulait qu'on, il voulait être reconnu comme le sauveur de la situation. Et donc, on va suivre son histoire avec sa mère, donc, qui est jouée par Kathy Bates, et son avocat, qui est joué par Sam Rockwell. J'aime Sam Rockwell, bordel. Et ce film est génial. C'est Eastwood. Alors, j'ai pas beaucoup vu ses films récents à Eastwood. C'est-à-dire que j'ai pas vu Sully, j'ai pas vu La Mule. J'ai vu American Sniper, par contre, qui était sympa. J'ai vu Le 15-17 pour Paris, qui est très mauvais. Vraiment, c'est mauvais, Le 15-17 pour Paris. Ne regardez pas ça. Mais par contre... Eastwood a fait ses preuves. Hein. Regardez Un Monde Parfait, regardez Gran Torino, évidemment. Et donc, le cas Richard Jewell, c'est une petite claque du début d'année. Et alors, même si c'est du gros tir à l'arme, le monologue de Kathy Bates devant les journalistes m'a tiré ma larme, justement. Ce film est génial. N'hésitez pas, foncez voir le cas Richard Jewell de Clint Eastwood. C'est vraiment bien. Alors, personnellement, en 10e position, c'est Adolescente de Sébastien Lifshitz. Vous êtes en 4e ? Les profs, on n'est personne pour vous dire si vous allez réussir votre vie ou pas. Moi, j'en sais rien ce que vous allez être dans 10 ans. Je crois qu'à partir de maintenant, je vais commencer une liste de ce que je veux réaliser. Mais moi, j'aime... Putain, mais moi, c'est des rêves fous, moi, que j'ai. J'ai juste peur de ne pas réussir ce que j'entreprends. Je sais pas, c'est parce qu'on n'a pas tous un talent. Hein. Je sais pas si quelqu'un l'a vu. Si. Non, j'ai vu l'autre film qu'il a fait cette année, par contre, mais j'ai pas vu Adolescente. Ok. C'est, en gros, c'est, il a suivi pendant 5 ans, de 13 ans à 18 ans, du coup, deux adolescentes. Et on voit leur évolution au fil des années. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un réalisateur que je découvre, que j'ai jamais vu avant. Mais j'aime beaucoup sa façon de filmer les documentaires parce qu'il a vraiment une caméra très discrète qui, en gros, en fait, quand vous regardez Adolescente, vous avez l'impression de voir de la fiction, pas du tout un documentaire. Si vraiment vous ne savez pas que c'est un documentaire, un mec qui rentre dans la salle et qui ne sait rien du film peut croire que c'est de la fiction. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça laisse vraiment une liberté énorme aux gens qui filment. C'est-à-dire qu'il ne va rien imposer, il ne va, va pas orienter le film vers quelque chose. Et bah, du coup, ouais, comme je suis en plein dans cette période, bah, je me suis vachement reconnu dans ce film et ça m'a beaucoup touché. Comme d'habitude avec les documentaires, enfin pas comme d'habitude mais avec ce type de documentaire, j'espère que les deux jeunes filles, Emma et Anaïs, vont bien et qu'elles vivent une belle vie, voilà, parce que ça a l'air d'être des personnes très sympathiques. J'ai regardé du coup pas mal d'interviews après pour voir un peu et j'en suis tombé sur une qui m'a vraiment genre tellement énervé, c'était sur France Inter, et c'était tellement le truc de propagande, quoi. Ouais, ça représente bien la France à l'heure actuelle, avec les valeurs républicaines, ou je sais pas quoi, j'avais envie de dire, mais tu n'as pas compris le film. Chut, vraiment, tais-toi. C'est un cadre qui est absolument bien travaillé, c'est-à-dire que c'est, j'en parlais avec, avec mon pote Sofiane, qui en gros disait, mais mec, il y a absolument rien en trop dans le cadre, et c'est exactement ça. C'est, il sait comment réaliser des documentaires, il sait s'intéresser à des sujets qui, où tu te fais pas chier, voilà, ça c'est quand même primordial pour un documentaire. Et je crois qu'il est sorti en VOD il n'y a pas très longtemps. J'ai peur de dire de la merde. Il est en DVD, Blu-ray aussi. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le rattraper parce que c'est absolument fabuleux et ce n'est pas le seul film de Sébastien Lifshitz qui sera dans mon top. Voilà, je tease un peu. Ok. Eh bien, voilà. Moi, de mon côté, en 9e position, j'ai décidé d'y mettre Lux Eterna de Gaspard Noé, mais je ne vais pas en parler longtemps parce qu'on va réévoquer plus tard ce film au sein donc, de ce podcast. Et puis je vais éviter de couper l'arbre sous le pied à tout le monde parce que ce serait un peu con. T'es déjà brûlé sur un bûcher? Ce qu'on va faire tout à l'heure? Ouais. Ah non, non, non. Non. C'est classe, hein? Ah ouais? Ah ouais. Toi, tu l'as déjà fait? Ouais. C'est trop de gueule, Jean. C'est trop chic. Parce que t'es la reine du village à ce moment-là. On arrête tout, j'ai dit. Charlotte, on va détacher. Silence! J'ai dit qu'on arrête. Voilà, c'est beau, Carlos, c'est super. Mais Lux Eterna, nouveau film de Gaspard Noé, a des conseillers aux épileptiques, qui est assez brillant par sa mise en scène, sans rentrer dans les détails, bien sûr. Un film très Gaspard Noé, c'est un verbe maintenant, Gaspard Noé iaisé. C'est très Gaspard Noé comme film, même si, bien sûr, comme il le dit lui-même, à ma grande honte, c'est mon premier film grand public. Et ouais, franchement, vous pouvez amener votre père, votre mère, votre chien, votre petite sœur de 3 ans devant ce film, ils n'en sortiront qu'avec un mal aux yeux et pas de traumatisme. Peut-être, probablement. J'espère. En tout cas, ouais. Voilà. On en reparlera plus tard, mais très très très grand film, etc. À moi donc, je vais vous parler du film Enragé. If you could just apologize, we could press reset. Can you go, please? Are you okay? I'm pretty sure that truck's following me. He's road raging. Why don't you just chill, man? I don't think you really know what a bad day is. Donc Enragé, c'est un thriller. On peut dire que même c'est un film d'horreur, d'ailleurs. Réalisé par Derek Bort, avec dans le rôle de l'antagoniste Russell Crowe. Donc c'est l'histoire d'une femme qui un jour klaxonne méchamment Russell Crowe et qui décide de la tuer, elle et son fils. Donc avec ce postulat, on se dit que ça va pas être très subtil, et en effet ça a la subtilité d'un éléphant en rut dans un magasin de porcelaine, mais putain, c'est trop cool. Vraiment, il y a des scènes dans ce film absolument incroyables. La scène... Il y a une scène de tension, par exemple dans un restaurant, surtout quand, avec l'ironie dramatique du coup qu'il y a. Donc en gros, on sait qui est le personnage, on sait qui est Russell Crowe, et le personnage qui est avec lui dans le restaurant ne le sait pas, et du coup, on a très peur pour lui, ça se comprend vu la réaction de Monsieur Russell. Je l'appelle Monsieur, j'ai peur de lui maintenant. Et franchement, j'y suis allé en m'attendant à rien. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, Enragé. C'est vraiment la petite surprise comme ça de l'été. Je suis allé au cinéma, je me suis dit, bon, j'ai envie de voir un film d'horreur, je vais aller voir ça. Parce que oui, c'est clairement un film d'horreur. Et franchement, j'ai pas été déçu, quoi. Ça a vraiment de la gueule. Les scènes de poursuite sur la route, la scène en huis clos, dans la maison à la fin, tout est vraiment chambé. Et ça joue bien, même si c'est pas le gros point fort du film, c'est plus la mise en scène. Mais putain, n'hésitez pas, foncez, allez voir Enragé. Et soyez polis sur la route. Mon top 9 de l'année, c'est Uncut James des Frères Safdie. I want the Celtics to cover. I want the Celtics halftime. I want Garnett points and rebounds. What do you know? I don't know. I just know. Well, I'll tell you what I know. That's the dumbest fucking bet I ever heard of. I disagree. I disagree, Gary. What is that? I started it. Are you serious? Alors, Uncut James, c'est l'histoire d'un bijoutier qui se fait livrer une gemme qui vient de je ne sais plus quel pays en Afrique. Mais en gros, il y a un basketteur, putain, j'ai plus le nom. Il y a le basketteur Kevin Garnett, donc qui est un vrai basketteur, qui joue dans le film, qui joue son propre rôle, qui vient le voir dans sa boutique et qui est tout de suite attiré par la gemme. Et qui, en gros, il dit « Ouais, mec, j'ai un match ce soir, laisse-moi t'emprunter la gemme. » Et du coup, il dit « Bah, vas-y. » Enfin, d'abord, il hésite parce que bah, elle est précieuse. Selon lui, elle vaut plusieurs millions d'euros. Il dit « Laisse-moi t'emprunter la gemme. » Il la prend. En échange, il lui laisse sa bague de champion. Et le soir, il regarde le match. Et en fait, bah, le mec, il fait un match de taré. Genre, il marque énormément de points, il prend plein de rebonds, etc. Donc, du coup, il en vient à la conclusion que la gemme a des pouvoirs. Et du coup, bah, il va pas vouloir lui donner. Et en plus de gérer ce problème-là, il y a des mecs à qui il doit de l'argent qui vont venir régulièrement lui péter la gueule. Il y a un moment, il le laisse à poil dans le coffre de sa voiture. Voilà. C'est produit par A24, donc je n'ai pas besoin de préciser mon amour pour ce studio. J'ai rattrapé ce film très tard dans l'année. Mais du coup j'ai dû le mettre dans mon top parce que bah, je pouvais pas faire autrement parce que c'est génial. Et donc du coup ça m'a bien fait chier de modifier mon top. Je crois que j'avais pas vu tellement de films avec Adam Sandler, mais il est absolument génial dans son rôle. Et je pense vraiment que ça aurait été la meilleure performance de l'année si il n'y avait pas un certain acteur qui en avait fait une autre dans un autre film. Je vous donne un indice, ça commence par Mads, ça finit par Mikkelsen. Voilà. What a life! On va en parler. Non, du coup, j'ai trouvé ça scénaristiquement très fort parce que c'est vraiment. C'est ce que tu fais devant le film. Tu fais. T'es essoufflé, en fait. Il y a un rythme tellement rapide. Mais t'en as pas marre de copier The Panda, espèce de fils de pute? De quoi? T'en as pas marre de copier ce que dit The Panda, espèce de fils de pute? Il a 15 ans. Dans son top, il a dit exactement les mêmes mots que toi. Sans deck ? Ouais. J'ai aucun souvenir de ce qu'il a dit sur Uncut James. Je sais pourquoi j'ai aucun souvenir de ça. C'est parce qu'au moment où j'ai regardé le top, j'avais pas vu le film. Et du coup, j'ai pas regardé ce qu'il a dit sur le film pour pas le truc. C'est pour ça que j'ai aucun souvenir. Okay, mais genre, putain, il y a un rythme tellement rapide. C'est un truc de malade. Genre, ça va dans tous les sens. Tu t'ennuies jamais. Je me suis dit, mais putain. Genre, ils vont vraiment faire 2h15 sur ça et ils arrivent à te tenir 2h15 sur ça. Et j'étais mais magnifique. Et il y a petite dédicace à Julia Fox. Là, pour le coup, c'est mi-running gag, mi-sérieux. Julia Fox, je suis célibataire si tu écoutes ce podcast. Voilà, clairement. Non, mais qui joue très bien. Qui joue très bien. En fait, tout le monde joue bien dans ce film. Et j'ai pas spécialement d'autres choses à dire. Voilà, regardez Uncut James. Il y a beaucoup de gens qui le mettent top 3 dans leur top de l'année. Personnellement, on n'en est pas à ce point-là. Mais j'ai trouvé ça génial. On n'en est clairement pas à ce point-là. Hein. Non, clairement pas. Ah, tu l'as vu ? Je l'ai vu en début d'année, du coup. Je l'ai vu après le moment où il est sorti. J'ai dû le voir en janvier. Il me semble que je l'ai vu en janvier, ouais. Et ouais, j'ai passé un bon moment. Mais c'est pas un film qui m'a marqué sur la durée, en fait. C'est-à-dire que je l'ai vu il y a presque un an, et du coup, il m'est complètement sorti de la tête. Et j'ai eu aucune envie de le revoir. Mais pour le coup, j'ai passé un bon moment devant. Oui, du coup, il y a le... Moi, j'ai beaucoup aimé aussi les parties basket. Je trouve ça vachement cool. Bon, en fait, c'est juste, tu vois, des matchs NBA qui sont filmés sur une télé, quoi. Mais j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool, bien réalisé. Donc voilà, regardez Uncut James. Dites-moi si vous avez aimé. Personne va te le dire parce que personne nous écoute. Ouais, mais bon, pourquoi pas ? Je vais recevoir un message dans genre 5 ans. J'ai bien aimé Uncut James. Tu sais que. Ou alors non, c'était de la merde. J'avais été mentionné dans une story d'un mec qui disait ouais, écoutez le podcast de la nuit, surtout le moment où. Donc le mec me mentionne, il dit il cite mon compte Insta, fait l'accent marseillais en parlant de Bronx. C'est le début. Voilà. C'est le début, quoi. Non. Franchement, tu penses qu'il y a sincèrement des gens qui écoutent nos émissions jusqu'au bout? Ça doit exister, peut-être. Ou ça existera. Non. J'espère que si, je sais que ma copine écoute, je sais que ma mère écoute aussi. Ah merde Le plot twist. En ce si joli jour de janvier, je suis pas du tout de mauvaise fréquentation. Moi, je suis premier de ma classe, hein, faut pas oublier ça, ça c'est important. Je suis à Harvard actuellement, en fait. Mark Zuckerberg n'a qu'à bien se tenir. C'est moi qui gère l'algorithme d'Instagram, en fait. The Social Network 2, bientôt, sur la vie d'Ulysse. J'ai réalisé déjà 5 films. Quoi, les titres j'ai plus de batterie, merde. Bon, les gars, salut. C'était pas Revenge of the Nazi Sex Wizard, par hasard? Chut, putain, ta gueule. C'était pas le truc... Non, c'était le mot pays des Grinches 2, le retour de Hugo de Montoya. On est parti en couille. On est pleinement parti en couille. Oh mon dieu. Alors, en numéro 8 dans mon top, j'ai décidé de mettre Guns Akimbo. Look, this is gonna sound really fucking weird, but could you help me? I have guns bolted to my hands. Yeah, you're right. That does sound pretty fucking weird. You have 24 hours to kill Nix. Fail, you die. Leave the city, you die. Who the fuck is Nix? It's showtime. Vous savez, j'ai une règle j'ai une règle sacrée chez moi qui dit que s'il y a du Cypress Hill dans un film, le film est forcément bien. Ça s'est déjà vérifié avec des films comme par exemple How High, qui en plus d'avoir du Cypress Hill au début, a Cypress Hill qui joue dans le film. Merci beaucoup Roman de m'avoir fait découvrir ce chef-d'œuvre d'ailleurs. How High est génial, bordel. Ouais. Donc, Guns Akimbo, bon, tout le monde a fait cette blague, mais c'est Harry Potter qui a des flingues clouées sur les mains. Oui, bon, grosso merdo, c'est ça, c'est l'histoire d'une sorte de délire sur Twitch, un jeu à la mort clandestin où les gens se tuent pour avoir des points, etc. Etc. Et c'est suivi par plein de personnes. Et on va suivre donc l'histoire de Miles Casanova, qui est un pauvre gars qui n'a rien demandé, enfin qui fait juste le troll en fait, et qui se fait choper par l'organisation, et qui doit en fait avoir pour mission de buter Nyx, qui est une sorte de grosse tueuse en série bien balèze, qui est jouée par Samara Weaving, que on aime tous bien sûr, tout le monde aime Samara Weaving. Au Québec, ce film s'appelle Arme au poing et il est réalisé par Jason Lee Howden. Donc ça vous dit peut-être rien, mais Jason Lee Howden a réalisé un de mes films préférés qui s'appelle Deathgasm. Et si vous ne connaissez pas Deathgasm, c'est un chef-d'œuvre. Si vous aimez c'est trop bien Deathgasm. Oui. C'est beaucoup trop bien Deathgasm. Si vous aimez le métal ou alors les combats contre les démons à base de God Michel dans la gueule ou de je te retire la bite avec une désherbeuse, vous allez adorer Deathgasm. Mais bon, je vais parler de Guns Akimbo. Si un jour on parle de films qui parlent de musique, je parlerai de Deathgasm parce que bordel, c'est génial. Donc, la réalisation très très propre. Jason Lee Howden qui a un rythme toujours bombarde, tu vois, un montage ultra dynamique, un humour absurde absolument magnifique et beaucoup beaucoup de blagues de culture, parce que voilà, même dans Deathgasm il faisait beaucoup de références à la pop culture, mais on est voilà sur un film qui parle entre guillemets de jeux vidéo avec un humour de fou, des scènes d'action géniales ou à mourir de rire, Et ouais, ça fait vachement plaisir de voir ça, parce que c'est... Voilà, beaucoup de gens ont craché un peu sur le film, malheureusement. Moi, je le trouve absolument génial. En plus, on a un caméo de Milo Kaustrom, qui est un acteur qui, notamment, qui a joué le personnage principal de Deathgasm, et qui a aussi joué dans un film que je peux vous recommander aussi, qui s'appelle Blood Punch, qui est très bizarre. Ça raconte l'histoire d'un mec qui deal du crack, et en fait, ça se retrouve un peu dans une boucle, comme dans Un jour sans fin, où il est avec une nana et un psychopathe. Le film est vraiment bien, regardez Blood Punch. Mais voilà, Guns Akimbo, c'est totalement con, ça se prend pas au sérieux, c'est de l'action-comédie survitaminée, et ouais, mais c'est très très très drôle. C'est vraiment bon, Guns Akimbo. Il était dans mes mentions honorables, donc j'ai failli le mettre dans le top, vraiment, mais ça s'est joué un poil de couille. T'as deux, trois trucs à dire sur Guns Akimbo. Tu bug vachement, Ulysse, première chose à dire. Deuxièmement, pas spécialement, enfin, je veux dire, oui, le film est vraiment bien, le film va 2 milliards à l'heure, et c'est ça qu'on aime, mais juste, et juste tu prends ton pied devant, quoi, c'est génial. Ouais, bah après, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi à rentrer dans le délire, faut choper le train pour Guns Akimbo, faut choper le train carrément. Mais si j'arrive à choper le train et que tu vois le film avec une bière ou un coca ou que sais-je, tu passes un bon moment, quoi. Moi, ouais, je l'ai vu tout seul dans mon lit parce que c'était le confinement. Merde. Bah, moi aussi. Mais je vois tous mes films tout seul, de toute façon. Mais voilà. Ah, et le film, du coup, je l'ai pas prisé, mais il est sur Amazon. Donc... ouais, allez, voyez-le, il est très bien. C'est une exclu Prime Vidéo, du coup. En France, il est pas un exclu en Amérique. Je crois pas. Enfin, peut-être, non, je sais pas. Le Blu-ray Guns Akimbo qui existe. Ok, bah, en France, en tout cas, c'est une exclu Amazon Prime. Ok. Et du coup, c'est à moi d'enchaîner. Ouais, vas-y. C'est à moi d'enchaîner, même si je vais pas parler très longtemps pour ce coup-là, parce que... on en reparlera plus tard dans vos tops. Mais du coup, en numéro 8, j'ai Adieu les cons d'Albert Dupontel. Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point ? Oui, ça c'est normal. Hein. Donner ses données, reprendre ses volets. Tu m'excuses, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire alors ? Ça peut prendre du temps. Mais c'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. Ta ta ta ta ta ta ta. Pardon. Donc Adieu les cons, on y suit l'histoire du coup d'Albert Dupontel et Virginie Efira qui disent fuck à la société et qui sont tous les deux en quête de quelque chose. Donc Virginie Efira qui est en quête de l'enfant qu'elle a abandonné sous X il y a plus de 20 ans et qu'elle veut retrouver parce qu'elle est mourante. Et donc Albert Dupontel qui est en quête, lui, de se faire innocenter pour un accident dont il est plus ou moins responsable. C'est vraiment cool comme essai. Du coup, je laisserai Ulysse et Hugo en parler parce que, spoiler, il est dans leur top aussi. Mais donc, on en parlera plus longuement après. Alors, mon top 8, il s'agit de Madre de Rodrigo Sorogoyen. Vous êtes pas française ? Espagnole ? Ouais. Ah ouais ? Vous savez que je parle espagnol ? Yo, me llamo Jean. Bonjour. Bonjour, Grégory. Elena. C'est lequel le vôtre ? Aucun. Non ? Vous aimez le foot de plage, alors ? Pas spécialement. Quoi est-ce sous direction ? Comment ? Non, vous savez où j'habite. Je vous ai vu, monsieur. Has estado con él? Non. Me mientes, por favor. Je te vivo pas. Si, loca, loca. Sortez d'ici. C'est des malades. Donc, c'est un film où ça parle espagnol, puisque c'est une coproduction franco-espagnole. C'est l'histoire de... Enfin, non, le film s'ouvre sur un plan séquence de genre entre 10 et 15 minutes, où il y a une femme qui est avec sa mère dans son appartement, et il y a son gosse qui l'appelle et qui fait « Je suis tout seul sur la plage, Mais comment ça, t'es tout seul et ton il est où ton père? Et bah, en fait, il est parti chercher mes jouets au camion et il m'a laissé tout seul. Et là, t'es en mode, alors déjà, ça commence comme ça, tu te dis, ok. Donc, ça évolue, machin. On se rend compte qu'en fait, enfin, le petit dit à sa mère, il y a un monsieur qui vient. Du coup, le petit court pour se cacher, mais le monsieur arrive à le choper. Et après, ellipse, on se retrouve, genre, entre 15 et 20 ans plus tard. Et en fait, c'est une femme qui, enfin, cette femme vit à la plage où son gosse a disparu, parce qu'elle a vraiment pas toujours réussi à faire le deuil de cette disparition. J'ai été surtout bluffé par la performance de l'actrice principale qui s'appelle Marta Nieto, qui est juste bluffante. Il y a une très belle réalisation avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plans séquences. Donc moi, quand il y a beaucoup de plans séquences, généralement, j'aime bien parce que j'aime beaucoup les plans séquences. Dans ce cas, c'était bien les plans séquences. Tu devrais regarder le film Snake Eyes de Brian De Palma. Je note. D'ailleurs, on reparlera de plans séquences dans la suite de mon top. J'en dis pas plus. Dans la suite de mon top aussi, d'ailleurs. Du coup, j'ai trouvé que c'est un très très beau film, que ce soit dans le propos ou que ce soit visuellement. La photographie au début, je ne sais pas trop quoi en penser parce que c'est principalement donc du bord de mer, mais c'est du bord de mer pas île Maurice quoi. C'est du bord de mer très nuageux, très un peu sombre, mais qui au final je trouve est pas gênant et donne même une beauté au film. Et puis bon, il y a pas que du sombre, il y a quelques scènes où il y a le soleil et bref, visuellement c'est très beau. Dans le propos, c'est beau aussi. Ça parle du deuil et des manières de faire le deuil. Et ça rejoint bien, un peu. J'ai aussi parlé de deuil dans la suite de mon top. Et bah, comme on est coordonnés, c'est fou. Mais oui, mais en même temps, 2020, c'est l'année du deuil, on peut dire. Ah bah, clairement. Madrid, tu es sorti la bonne année. Yes. Et du coup, il y a ce qu'on en parlait juste avant, il y a une vraie liberté d'interprétation dans la fin. C'est-à-dire, bon, je ne vais pas spoiler, mais c'est-à-dire que pour moi, à la fin, elle réussit à faire son deuil, mais j'ai eu beaucoup de gens qui, en parlant du film, m'ont dit le contraire. Et je comprends leur avis, et je comprends, mais c'est juste, pas mon point de vue. Mais du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé ça aussi, que ce soit l'interprétation soit propre à chacun. Je tiens du coup, même s'il ne nous écoute pas, à saluer Jules Poirier, qui est dans le second rôle, et qui est d'ailleurs nommé aux Révélations au César. Et qu'on retrouvera plus tard dans mon top et dans le top de Roman dans un film. Voilà, j'allais dire le nom du film, c'est quand même assez con. Du coup, Madré, c'est comme Adolescente, c'est sorti il n'y a pas longtemps en VOD, DVD, tout ça. Donc n'hésitez pas à le rattraper, c'est absolument fabuleux. Voilà. En septième position, j'ai décidé de mettre le film Marvel, Les Nouveaux Mutants. It's important we find out your power. So we can help you get better. I saw something I don't think she wanted me to see. I don't think we're here to get better. This place takes your greatest fear and makes you live through it. Donc, premier film d'horreur Marvel, et vous savez que j'aime beaucoup les films d'horreur. C'est vraiment un film d'horreur. On peut vraiment dire que c'est un film d'horreur. Si, c'est un film d'horreur, ta gueule, t'as dit qu'Orange c'était un film d'horreur, alors tu laisses New Mutants se mettre en place. Non, c'est pas un film d'horreur, je suis désolé. Alors, vous êtes vraiment des connards, parce que film d'horreur, ça veut pas spécialement dire film qui fait peur. Je sais, mais... Ils utilisent les codes du film d'horreur dans un univers horrifique. C'est fantasy si tu veux, mais. Arrêtez de faire les connards pédants, c'est de l'horreur, arrêtez de faire chier. Ouf. D'accord, on peut voir ça comme de l'horreur. Je pense qu'on peut voir ça comme de l'horreur. On peut voir ça comme de l'horreur, c'est de l'horreur. Dans la musique, dans les personnes, dans le design des monstres, même dans les clichés, c'est un film d'horreur, même si après ça part dans un délire de fantasy, etc. sur le final. Oui, et t'as toute une énorme partie. Mais c'est un film de chez Mickey, donc chez Mickey, ils peuvent pas faire de l'horreur. Comment ça, ils peuvent pas faire de l'horreur? Ils ont une réputation à tenir. Mais c'est de l'horreur, mec. Tu sais que... S'il faut un truc... Déjà, Hugo, Je me suis mal exprimé. Le film a pas été produit sous Disney. Hein. Mais tu sais que beaucoup de choses ont été coupées. Tu vois, oui, même sens de ça. Le réal a vraiment dit que rien n'avait été coupé. Ah ouais, même d'accord. la scène à la Freddy Krueger qu'on voit pas dans c'est le ça. Film. Et la scène à la Freddy qui est dans toutes les bandes d'annonces. Il y a plein de trucs qui ont été coupés du film. Faut arrêter, le réalisateur, il a dit ça parce que Disney lui a dit de fermer sa gueule, hein, oui. Clairement. Bah, il peut peut-être tourner des plans qui sont pensés juste pour la bande annonce aussi. Non. Ah bah non, clairement pas. Parce si que la scène de Freddy Krueger, elle aurait eu sa place dans le film. Tellement. Oui, non, mais après, Mickey, ils peuvent pas trop faire un truc trop horrifique, quoi, parce que, Il y a plein de trucs qui auraient dû être dans le film, qui ne sont pas dans le film. Beaucoup de trucs coupés. Mais voilà, justement ça me permet de parler de ça, justement. Le film, en fait, donc je racontais l'histoire. Donc ça raconte l'histoire, en fait, de Danielle, qui est une gamine amérindienne qui va se retrouver dans un internat pour les mutants, en fait. Ça se passe dans l'univers de X-Men. En compagnie donc de plusieurs personnages, j'ai que leur nom de super-héros, donc il y a Solar, Rocket, Felina et Magic, donc avec, comme dans les acteurs, on a quand même Charlie Heaton, Maisie Williams et Anya Taylor-Joy, que Hugo embrasse très fortement. Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que Anya Taylor-Joy, c'est mon bébé d'amour, c'est-à-dire que en gros, déjà que je l'aime de tout mon cœur, en plus, je suis désolé, je pense pas que vous avez le même avis, mais je n'ai vu que elle dans le film, c'est-à-dire qu'en termes d'acting, je n'ai vu que elle. Oui, je suis d'accord. Oui, mais c'est un peu elle qui crève l'écran. Donc, on est du coup sur un univers de films d'horreur avec les ambiances, avec les situations, les monstres, la musique, même si parfois c'est un petit peu maladroit. On est sur un film qui est assez intéressant au final. Même si, bien sûr, comme on l'a dit plus tôt, ça se sent que depuis que Disney, en fait, après les premières bandes annonces, il y a tout le monde qui a commencé à dire c'est quoi cette merde, univers film d'horreur dans Marvel, etc. Parce qu'il faut savoir que le film d'horreur est de plus en plus, enfin, est très mal vu, malheureusement. Et le fait de faire un film d'horreur dans l'univers de X-Men, ça n'a pas plu à tout le monde. Il y a eu une énorme shitstorm autour de ça, donc, parce que les gens sont cons. Et du coup, voilà, le film, la Fox a commencé à perdre ses couilles. Genre, elles se sont rétractées comme ça, whip. Et du coup, le film a été repoussé, et sûrement d'ailleurs charcuté. Contrairement à ce que dit le réalisateur, hein, non, clairement, ça se sent que le film est charcuté de partout. Afin donc d'en faire un film de 1h30, ce qui est très court, et alors que le film aurait sûrement dû durer 2h ou un truc comme ça. Donc voilà, hashtag release Director's Cut New Mutants. C'est un film qui parle en fait beaucoup du passé des personnages. C'est des personnes tous qui vivent en fait avec le poids de leur passé, qui est un poids qui est dur et qui les confronte à leur traumatisme. Ça peut être donc la peur en fait de la découverte de sa sexualité, donc pour le personnage qui est de Felina. Ça peut être donc la culpabilité en fait d'avoir des morts sur la conscience. Comme par exemple le personnage de Solar ou le personnage de Rocket, ou ça peut être simplement t'es traumatisé parce que tu te faisais violer par des mecs ultra flippants. Oui, un putain de film X-Men qui parle de viol sur une gamine. Ouais. Le film a des couilles, c'est ça que j'aime bien. Le film a quand même pas mal de couilles et aborde des thèmes assez difficiles. La réalisation est plutôt pas mal et on a du coup des personnages qui sont très très attachants, très très bien foutus, à part peut-être Solar que je trouve un peu insipide comme personnage et un peu inutile dans le scénario, mais le personnage de Rocket est touchant, le personnage de Anya Taylor-Joy aussi, et c'est le meilleur personnage du film. Le personnage de personnage principal donc est un peu insipide, un peu fade, même si sa romance lesbienne avec Felina et vachement bien, franchement. Moi, j'ai tendance à cracher sur ce genre de relation dans les films parce que, en tant couples bisexuels, voire des gens de la des personnes LGBT en fait en couple au cinéma, généralement ça me fait chier parce que ça se sent que c'est un peu forcé ou des trucs comme ça, mais pour le coup j'aime beaucoup le couple que je trouve assez naturel au final, parce qu'on sent bien l'alchimie entre les deux, et c'est plutôt bien foutu. Et puis voilà, enfin, la relation est assumée jusqu'au bout, c'est bien. L'univers visuel du film est plutôt intéressant, et même si c'est extrêmement prévisible, je trouve le film très bien foutu. Et il m'a emporté, il m'a vraiment plu, même si le temps était très rapide, parce que le film était très rapide, mais je considère New Mutants comme un très bon film. Et d'ailleurs, qui fait référence à plusieurs autres films, quelques références à la cool, ça peut être des références à Conjuring, ça peut être des références à Freddy les Griffes de la Nuit, etc. Et qu'on se dit tout de suite, le personnage d'Anya Taylor-Joy est vachement badass. Voilà. Mais le personnage d'Anya Taylor-Joy est le meilleur du film parce que c'est Anya Taylor-Joy qui le joue. Oui, et puis c'est Magic aussi, bordel de merde. Mais oui, oh putain, mais quand le plan, ou enfin la scène où elle fait « Mais putain, mais tu peux pas y aller, il est magique !» Et elle arrive, ouais. Elle fait « Sois un maille ». J'étais en mode « Wouah !» J'avais envie de me lever, de hurler, tu vois, genre vraiment. Mais c'était tellement stylé. Et genre, anecdote, avec mon pote, on s'est dépêché de sortir de la salle à la fin du film parce qu'on avait juste après une séance avec Gaspard Noé pour la nouvelle version d'Irréversible. Voilà l'anecdote. C'est le fameux jour où t'as enchaîné Irréversible montage normal et Irréversible montage inversé. C'est ça. Et où accessoirement, j'ai rencontré Gaspard Noé. Ouais. Et d'ailleurs, les gars, fun fact sur le personnage de Magic. Dans les comics, c'est la sœur de Colossus. Ouais, ça je savais. Putain, ce que la mère a enduré pour l'accouchement des deux, bordel de merde. Oh, tu m'étonnes. Bah oui, c'est ça en fait. Je crois je sais pas si dans les comics ou dans le film, mais elle a un bras métallique, un peu à la Colossus. Dans le film, elle peut le générer. Ouais. Mais c'est pas. Ouais. Bref, les nouveaux mutants, il y a beaucoup de gens qui ont craché dessus, notamment ce fils de pute de Clapman, mais personne n'aime Clapman. Personne ne l'aime. Non, je n'aime pas. Clairement, voilà, c'est niveau Rage Le Gorilla, quoi. Ah oui, les deux m'exaspèrent, hein, clairement. C'est Minus et Cortex. C'est Cortex et Minus. Pardon. Ah, là est un fils de pute, l'autre a un petit phallus, pardon. T'as faim qu'un et l'autre a vaut rien. Leur ambition profonde, c'est de faire chier le monde. C'est Cordé, c'est Reggie et Clapman, man. Je dis, go faire une version longue de ça. Tellement. Oui, et on le met en sonnerie de téléphone pour les gens. Donc c'est à moi, c'est ça? Oui, c'est à toi. Donc, pour mon top 7, je vais vous parler d'un film de super-héros, parce que j'aime les films de super-héros. Ça, je crois que c'est acquis, tout le monde le sait. Ah bon? Oui, ça m'arrive parfois. Et plus exactement, un film de super-héroïne, puisque je vais parler de Birds of Prey. The Joker and I broke up. I wanted a fresh start. But it turns out, I wasn't the only Damon Gotham looking for emancipation. Spectacular news! Miss Quinn, she belongs to me. Who are you guys? Here's the deal, Quinn. You need me! Mais là, vous me faites, les gars, vous me faites des transitions, mais tellement parfaites. Genre, vous parlez de mes deux bébés, Margot Robbie et Anya Taylor-Joy, c'est parfait, clairement. Bref, vas-y, je donnerai mon avis après. Priorité à toi. Donc, Birds of Prey, réalisé par Cathy Yan, nous raconte l'histoire de Harley Quinn après sa rupture difficile avec Monsieur J, qu'on ne nommera pas pour des questions évidentes d'anonymat. Bah, plutôt bonne surprise, parce que pour moi, il se place vraiment dans le haut du panier du DC Extended Universe. Aux côtés de Batman v Superman et d'Aquaman. Parce que j'aime Aquaman. Le sachiez-vous, j'aime James Wan. Et donc, Birds of Prey raconte l'histoire de Harley Quinn, qui décide de tout foutre en l'air après sa rupture avec le Joker. Et du coup fout la merde dans la ville. Et fout la merde surtout auprès de Roman Sionis, le méchant du film interprété par Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor. Est-ce que j'ai besoin de développer plus que ça entre vraiment un film sur Harley Quinn et Ewan McGregor en méchant? J'ai besoin d'aller plus loin? Oui. D'accord. Donc, elle va s'allier à plusieurs autres personnages, notamment une petite, une jeune adulte kleptomane, une policière rejetée parce que c'est une femme, qui s'appelle René Montoya, et non pas Inigo Montoya. Ulysse, je te vois venir. Je le vois venir aussi. Et toi, tu es mon père. Et attendez, je cherche le nom du personnage. Donc voilà, le personnage de Huntress, qui est joué par Marie-Elizabeth Winstead, qui joue Ramona Flowers dans Scott Pilgrim. Oui. Et aussi une cantatrice qui s'appelle Black Canary. Qui travaillait du coup pour Roman Sionis. Le film est vraiment bon. Le film est rated R, il me semble, aux États-Unis, parce qu'il est assez trash comparé au reste du DCU. Certaines morts ou même juste certaines scènes, genre la scène de l'éclatage de genoux. On s'en souvient. Hugo, toi qui a vu le film, la scène de l'éclatage de genoux, elle te fait quoi? Moi qui ai vu le film, qui me souviens pas du tout de cette scène, parce que j'ai vu ce film genre vraiment début d'année et que du coup il m'a pas marqué, donc je m'en souviens pas du tout. Voilà. Bref, il y a une scène où à un moment elle fait un peu la conne dans le repère de Sionis, et t'as le chauffeur de Sionis qui est là, qui lui fait des remarques bien macho. Et en fait, il a les jambes tendues, genre il est assis sur un fauteuil, il a les jambes tendues et les pieds posés sur une table. Elle saute, elle atterrit pile sur ses genoux. Si, oui, ça revient, oui. oui, évidemment. Voilà. Évidemment. Ça fait beaucoup aïe. Oui. D'ailleurs, je pense que je vais me le remater ce soir, parce que j'ai le steelbook du film Ma foi du plus bel effet, et je vais me le remater ce soir, je pense, le film. Et du coup, ces cinq femmes qui ont toutes des comptes à régler avec Sionis, vont du coup s'allier contre lui et contre le cartel qu'il dirige. Et c'est putain d'excellent, vraiment. Le film va à 300 à l'heure, ça regorge de personnages féminins forts, et ça c'est cool à voir. Et surtout c'est bien fait, quoi. Les scènes d'action sont ultra bien faites. La scène dans la fête foraine abandonnée à la fin est absolument ouf. Et il y a une vraie alchimie entre les personnages, franchement. Birds of Prey, c'est vraiment excellent. Et il y a Ewan McGregor en méchant, donc foncez, ça vaut le coup. Voilà. On n'a pas grand-chose à rajouter. Hugo, toi qui as vu le film, t'as peut-être un truc en plus à dire? Ouais, je suis à moitié d'accord. C'est-à-dire que j'ai un avis un peu plus mitigé sur le film. Comme tu l'as dit, le jeu d'acteur c'est excellent. De toute façon, dès qu'il y a Margot Robbie, forcément c'est excellent. Alors en plus, si vous rajoutez Ewan McGregor, là vraiment on touche les sommets. J'ai trouvé la mise en scène vachement bien, surtout sur les scènes d'action, comme tu l'as dit, c'est vachement bien chorégraphié. Aucun débat là-dessus. Visuellement, c'est vachement intéressant. Ils font des trucs super cool. Par contre, c'est mal écrit. Je n'ai pas du tout accroché à l'histoire, genre vraiment pas. Je trouve qu'il y a trop de clichés dans les personnages féminins. Et ce qui fait peur, c'est que... ce qui fait peur, c'est que Margot Robbie a été choisie pour Pirates des Caraïbes, le prochain. Donc on sait ce qu'est devenu Pirates des Caraïbes après le 3. Encore le 4, ça va. Par contre, le 5, voilà. Le 4, ça n'allait pas non plus, hein. Oui, mais ce que je veux montrer là, c'est que ça se dégrade, tu vois, au fur et à mesure. C'est ça que je veux montrer. On en parle de... Elle a un nom. Et c'est quoi son nom? Elle s'appelle Sirena. Ouais, trop bien. Voilà, on en parle de ça dans Pirates des Caraïbes 4. Non, on va pas en parler. Non, bref, tout ça pour dire que la qualité des Pirates des Caraïbes se dégrade bah, opus après opus. Et donc Margot Robbie se dégrade après le 3. C'est-à-dire que le 3, oui, c'est après, le meilleur, oui, de la saga. Oui, après le 3. Après le 3. Oui, après 3. Pirates des Caraïbes, c'était bien, c'était mieux avant. Oui, voilà. Voilà. Et donc Margot Robbie a été choisie pour remplacer Johnny Depp. Et devinez qui va l'accompagner ? La scénariste de Birds of Prey. Alors que j'ai pas du tout aimé le scénario de Birds of Prey. Waouh. Déjà que j'étais pas très chaud pour que Margot Robbie joue là-dedans parce que ça s'annonçait comme de la merde. Si en plus tu ramènes une scénariste qui ne me plaît pas du tout, je sais pas si j'irai voir ce film. Voilà. On peut quand même mentionner que même si c'est pas compliqué, c'est mieux que Suicide Squad, quoi. Bah, c'est pas dur de faire mieux que le pire film du DC Universe. Oui. Mais on sait jamais parce que on pouvait avoir des doutes. C'est-à-dire que même Wonder Woman 1984 était mieux que Suicide Squad. Tu as vu Wonder Woman déjà ? J'ai vu Wonder Woman déjà. Ok, moi je ne l'ai pas encore vu, mais dans tous les cas on en reparlera quand les salles réouvriront, c'est-à-dire peut-être en 2023, je pense, environ, par là. 2029. Oui. Ouais. Donc je vais parler de mon top 7. Mon top 7 qui est Félicita de Bruno Merle. Bon déjà Tommy, il faut que tu saches que maman et moi on t'aime, d'accord ? À une époque, maman et moi, on partageait un appartement avec Aurélien, bref. Un jour, maman et moi, on se lève, et là, on voit le petit bébé au milieu du salon, en train de pleurer, et aucune trace d'Aurélien. On n'a jamais eu de ses nouvelles. Et donc, le petit bébé, c'est toi. Je suis morte de rire. Oh là là, merde ! Mais putain, avant, tu gobais tout ! T'es conscient que c'est quand même hyper spécial comme humour ? Ça va, et je rigole. Alors, Bruno Merle, bon, j'ai pas forcément besoin de récapituler son histoire. Il y a In the Panda qui a fait une vidéo de 40 minutes dessus. Allez la voir. C'est un film qui est à la fois léger et quand même à la fois... Enfin, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il a une faculté super intéressante à changer facilement de genre. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui vont être plutôt comiques. Après, on va avoir une putain de scène sur une réflexion sur les choix avec Aurel San qui est déguisé en cosmonaute. Et suite à cette scène, on va avoir un truc un peu plus dramatique qui peut même... Bon, si les Nouveaux Mutants, c'est de l'horreur, je suppose qu'on peut dire qu'il penche vers l'horreur. Voilà. Ça se sent que c'est un peu le film de la Hesse, on va dire ça comme ça, parce que... Bah, il n'y a pas beaucoup de budget, quoi. Genre, je ne sais pas quel est le budget du film, je n'ai pas trop trouvé. Mais il n'y a pas beaucoup de décors, il y a juste une maison, un bar. Sinon, c'est naturel et du coup, ça donne une image qui est absolument magnifique. Les trois acteurs sont absolument fabuleux. Il n'y en a pas un, enfin les trois acteurs principaux, j'entends, il n'y en a pas un en dessous de l'autre. Clairement, Rita Merle, la fille du réalisateur, je ne comprends pas comment on peut jouer aussi juste, aussi jeune. C'est absolument fou. Pio Marmaille, on ne le présente plus. Pio Marmaille, voilà, c'est trop... est-ce que vous avez vu le truc qu'il a fait chez Combini, là ? Non, ah, c'est absolument pas. C'est tellement drôle. Oh, faut que je vous envoie le lien. Bref, il aime bien le glouglou, le miam miam, voilà. Pour ceux qui ont vu la vidéo, on se comprendra. Et du coup, j'ai trouvé ça génial, vachement bien réalisé. J'ai eu quand même un problème un peu avec le montage que j'ai parfois trouvé un peu rushé. Mais bon, c'est pas gênant. Y a voilà, un scénario qui évolue bien, qui sait, comme je l'ai dit, passer entre les genres, qui sait être à la fois léger... et à la fois grave et le tout saupoudré d'acteurs magnifiques et très talentueux. Et voilà, je pense que c'est sincèrement un film c'est un film sur la famille qui peut être vu en famille. Et j'espère que Bruno Merle ne va pas attendre 13 ans pour faire un film, même si Héros, on va pas se mentir, c'était pas non plus un chef-d'œuvre ultime, mais c'était un bon film, j'ai trouvé Héros. J'ai quand même préféré Félicita à Héros, mais voilà, j'espère que il va pas attendre aussi longtemps pour refaire un film, parce que je trouve qu'il a vraiment quand même quelque chose. Voilà. Ouais, comme tu l'as dit, c'est un film qui est grave, qui est léger, et qui est Julia Ducournau. Pardon. J'aurais dû faire dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est léger, c'est grave, oui. C'est Julia Ducournau. Oui. Ouais, je suis con, putain. Ah, bah d'ailleurs, je viens d'aller sur IMDb, et du coup, le film a été tourné dans les Côtes d'Armor. Donc, je pense qu'en termes de budget, ça en dit long, quoi. Voilà. Mais bref. Il aurait pu être tourné en Ardèche. Hein. Allez. Dans les Cévennes, n'est-ce pas? Ah non! Chut! Tais-toi! On en reparlera dans les flops. En Ardèche, pour faire ton film, t'as besoin. Genre, est-ce que les droits pour aller en Ardèche, pour payer un film, genre, en vrai, tu files un joint au maire, il te laisse tourner dans son village, on est d'accord? C'est grave. Non, il te paye pour que tu tournes un film dans son village. C'est lui qui produit ton film, en fait. C'est lui qui produit le film. Il te produit avec quoi? Avec 5 cacahuètes? Avec un ticket resto. Et un bon pour une bière gratuite au bar de la place. C'est grave ça. Avec un petit saucisson. Allez, vas-y. Un petit siffleur quand même, oh. On n'a pas été élevé chez les porcs. Ouais, bienvenue en Ardèche. C'est la seule région où dans le mot, t'as le truc qui l'a défini. L'Ardèche. Bref, après cette vie des Ardéchois ados, bref, voilà. J'ai dit allez. La fête en Ardèche. Ces connards, ils disent même pas rose, ils disent rase. Ah, quelle horreur. Il y avait un mec que je détestais qui disait ça, mais genre vraiment, j'ai envie de le frapper. Donc voilà. Les Ardéchois. J'essaye de conclure à ne pas sortir de son contexte. Et juste, vous savez qu'ils vont que Disney ils vont faire un remake de leur classique en Ardèche. Oh, j'ai peur. Ça s'appelle Anadèche. De quoi? Qu'est-ce qu'il a dit encore? Ça s'appelle Anadèche. Ah putain, Anadèche, d'accord. Et en vrai, le prochain film de Kev Adams après Aladdin, Aladdin, Anadèche. La gueule. Excusez-moi. Tu sens que c'est bien du cœur celui-là. Allez. Oh merde. Bref, du coup, bah, allez voir si un mec. Allez voir Anadèche. Non, pas du tout. Anadèche. Si un mec qui s'est cassé le cul à faire une vidéo de 40 minutes sur Felicita et sur son réalisateur, allez la voir. Et surtout, voyez le film parce que oui, le film est déjà dispo en DVD, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à le rattraper si vous l'avez pas vu. Et on espère qu'il aura des récompenses aux Césars, même si les Césars, c'est pas voilà, c'est pas un exemple. Bon, Ulysse. Ouais. Dis-nous ton top 6. Mon top 6, c'est Adieu les cons. Bonjour. Vous êtes qui? Je suis sustrapé. J'étais à l'agence de santé. Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur moi que je tirais. Ah bon? Prévenez à l'intérieur. Est-ce qu'il peut récidiver? J'aimerais vous dire que non, mais maintenant, il est en fuite, en rage. Madame, si je peux vous aider? C'est très gentil, mais je vois pas comment. Si je retrouve le dossier, vous m'aiderez? Oui. Waouh! Waouh! De Albert Dupontel. Donc, mon top 6, c'est Adieu les cons de Albert Dupontel. Donc, c'est la deuxième fois sur trois qu'on en parle ici. Donc, encore une fois, je ne vais pas en parler énormément pour pas que Hugo se retrouve avec l'herbe coupée sous le pied. Mais Adieu les cons, c'est donc un film avec une réalisation vraiment impressionnante qui rehausse grandement le niveau du cinéma français, même s'il n'a pas spécialement besoin d'être rehaussé. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Qui a dit ça? Ça me rappelle quelqu'un. Ah, c'est vrai que t'as dit ça. Ouais, bah, c'est vrai que j'ai dit ça. Tu m'influences, voilà. C'est un film qui a une esthétique très très belle, qui est un film qui est très très tendre, très très doux envers ses personnages, avec une très très bonne musique. Et c'est un film, au final, qui parle un peu donc de notre rapport au passé. Comme j'avais dit pour les New Mutants, là c'est pareil, les personnages ils portent, ils ont tous une croix en fait, une putain de croix sur eux. Et cette croix est plus ou moins liée à leur passé, sauf pour le personnage d'Albert Dupontel. Mais par exemple l'aveugle, bah, il porte sur lui toute sa vision en fait de l'ancien monde, qui quand on voit le monde changer autour de lui en fait, c'est ça. Et Virginie Efira, elle porte le poids de... Ah, il peut pas trop voir le monde changer autour de lui, l'aveugle. Oui, mais... Ouais, écoute, le monde n'a pas besoin de lui pour changer, quoi. Mais... Enfoiré. Il y a... Ah, tu l'avais pas vu venir, celle-là? Ouais, non, j'avais pas vu venir. Ah, putain, enculé. L'aveugle, t'avais pas capté la vanne. T'avais pas capté la vanne. Quel amour. Il les enchaîne. Non, ouais, du coup, le personnage de Virginie Efira, d'ailleurs, parlons des acteurs, mais ils sont incroyables. Bref, Virginie Efira qui porte aussi, donc, qui porte sa mort proche et du coup, bah, ses erreurs du passé, donc avoir Ken avec Albert Dupontel selon Roman. Après, voilà, c'est une théorie. Et donc, devoir retrouver son enfant. Et Albert Dupontel, lui, bah, il a juste envie de crever. Bref. Il a juste envie de dire adieu les cons, non ? Ah ouais. Ouais. Adieu les cons. Bref, je te laisse parler, Roman, on parlera un peu plus en profondeur de adieu les cons de tout à l'heure. Ouais. Alors du coup, il est temps que je parle de mon top 6, mais encore une fois, pas trop en détail, parce que running gag de cet épisode top, Hugo en parlera plus tard. Mais Hugo, en fait, il a pris nos tops, il a fait « Hey, c'est pas mal, ça !» Non, c'est vous avez pris mes tops et vous avez fait « C'est pas aussi bien que ça, on va le mettre encore plus bas. » Ouais, j'avoue. Et donc, je vais parler de Play. Play qui est un film réalisé par... J'ai pas fait mes fiches, donc je vais chercher maintenant. Anthony Marciano. Mais qui est fort ! Quand même. Et Play, scénarisé par Max Boublil, avec Anthony Marciano. Oui. Donc ce film est un fan footage français, et je vais en reparler de fan footage français dans ce top. Donc il est un film qui raconte l'histoire de Max, joué par Max Boublil, qui a commencé à filmer un peu sa vie, qui a commencé au caméscope et qui après a continué avec... commence à évoluer. Qui a commencé à filmer sa vie donc quand il avait... je sais pas, peut-être 14 ans, 13-14 ans, dans les années 90. Ouais, ouais, dans ces eaux-là, ouais. Et donc sa rencontre, avec son pote, et sa rencontre avec, du coup, d'autres amis. Et ce film est génial. Est-ce que vous êtes d'accord, les gars ? Enfin, Ulysse, tu l'as pas vu ? Absolument d'accord. Voilà, clairement, je développerai tout à l'heure, mais voilà. C'est un truc que j'ai pas vu Play, mais un truc qui me donne très envie de voir ce film, c'est la bande son, parce que j'ai pas les cheveux rien pour rien, et quand tu me dis que t'as du Blink 182, que t'as du les Pixies, que t'as du Wither, que t'as du Field of Joy et du Supreme Nick Tamer, anecdote, Wonderwall, et surtout du Supreme. Voilà, j'aime bien. Anecdote sur la bande son. Le budget du film, c'est 6 millions d'euros et il y a un sixième du budget qui est parti pour avoir les droits des chansons. Voilà. Ça m'étonne pas. Attends, Ulysse, t'as vraiment dit Supreme Nick Tamer ? Oui, parce que je t'emmerde. Supreme MTM. MTM, Ulysse, quand même. Personne comme... dit Supreme Nick Tamer. C'est comme les gens qui disent WLG au lieu de Wesh Le Gang. C'est comme les gens qui disent Negros ou Attitude à la place de NWA. Et oui, je viens de dire le N-word. Twitter est en feu actuellement. Surtout, personne dit Supreme dans le titre. Genre, vraiment, tout le monde dit juste NTM. Oui, c'est vrai. Écoute, la logique, je l'ai mangé. J'ai trop regardé les vidéos de Rez Logoria, c'est pour ça que mon cerveau, il a pris feu, en fait. Ouais, c'est pour ça. Voilà. Ouais. Donc, Hugo, c'est quoi ton top 6 ? Mon top 6, il s'agit de 1917 de Sam Mendes. You have a brother in the 2nd Battalion. Yes, sir. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre. We've got orders to cross here. That is the German front line. Hold back! If we're not clever about this, no one will get to your brother. Oh, Will. Ok, moi je me casse. Pourquoi ce soufflement ? Non, mais oh. Alors, je. Déjà, estimez-vous heureux parce que 50% des tops que j'ai vus sur Instagram, il était premier. Genre vraiment. Du coup, j'ai dit qu'on allait reparler plan séquence. C'est le moment. Puisque, en gros, c'est l'histoire de deux soldats. Il y a un matin, on les réveille, on leur dit : Hey, vous voyez là-bas, il y a je sais pas combien de milliers d'hommes. si vous leur apportez pas un message pour leur dire qu'ils vont tomber dans un piège, ils crèvent tous. Allez, bonne chance. Et donc, on suit ces deux soldats à travers le No Man's Land, qui n'est plus le No Man's Land parce que du coup, les Allemands ont bougé. Et du coup, le No Man's Land s'est décalé. Enfin, bref. Et c'est donc fait en fou plan séquence. Enfin, c'est un faux plan séquence. C'est plusieurs plans séquences qui sont mis à côté pour faire en sorte que c'est un seul plan séquence. C'est une grosse scoop au milieu du film, au détail du film. Oui, je vois ce que tu dis. Il y a aussi dans la mine où il y a une coupe visible. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est quand il est avec la française là. Moi, je te parle de la scène avec la française. Il y a une coupe avec la française, sans deck. Bah oui, il y a une transition. Oui, parce que c'est quand il rentre, il fait nuit, et quand il ressort, il fait jour. Il y a toute la nuit qui s'écoule à ce moment-là. Ah. Ouais, mais dans le mouvement de la caméra, ça se ressent pas. C'est ce genre du plan séquence. Et je suis pas sûr qu'il... Non, je suis pas sûr qu'il fasse jour quand il sort. Je sais plus. Alors, en tout cas, il fait jour juste après. Oui. Ça se trouve, je sais pas. Bref, ça se trouve... La nuit tombe pendant le film et au bout d'un moment, il refait jour. Ouais, moi je pensais que tu parlais du moment où il se fait shooter par l'Allemand. Alors, c'est peut-être ça, j'ai pas revu le film depuis, je crois que je l'ai vu en mars, j'avais rattrapé pendant le confinement. Je l'ai vu en et janvier. Je l'ai pas revu depuis. Je l'ai pas revu depuis et pour être honnête, j'ai pas du tout envie de le revoir. Sam Mendes, il faut qu'il reste chez James Bond parce qu'il fait du bon taf là-bas. J'ai vraiment pas été fan de 1917. J'ai bien kiffé. En plus, il y a le. Je l'ai vu en salle. Ça, franchement, en salle, putain, c'est absolument chambé. J'ai adoré la BO. Attends, qui a composé ça? Je crois que c'est. Oui, Thomas Newman, c'est ça. Thomas Newman qui a composé la BO. Il y a aussi une magnifique photographie par monsieur Roger Deakins. Voilà, clairement, absolument. Magnifique, je pense à la scène qui a tourné partout avec les bombardements. Quand tu le vois de nuit, de dos et il y a les flammes devant lui, un peu inspiré de Dunkerque, qu'on va pas mentir. Voilà, mais dans tous les cas, ça reste un putain de film. Je me souviens de, je crois que c'était ma première séance en 2020, si je dis pas de la merde. J'étais avec un pote qui, on parlait de la scène avec la française. À partir de cette scène, il était en larmes pendant tout le film et c'était tellement drôle. Moi, j'étais là comme un bâtard à côté en train de me marrer parce que j'entendais des... pendant 45 minutes, voilà. Ma première séance de 2020, je crois que c'était Underwater. Ah, ça se trouve. Et c'était plutôt cool d'ailleurs. Il est vraiment cool, Underwater. La plupart des gens le mettent dans les flops. Mais je les emmerde. Eh ben, moi, je vous emmerde de pas dire que... Bon. Voilà, 1917, moi j'ai absolument kiffé à voir en salle, si c'est possible. Bon, maintenant c'est plus trop possible, mais voilà. Tous les points que j'ai mentionnés ont été récompensés. Enfin, Roger Deakins a eu son Oscar. Je sais plus, le film était pressenti d'ailleurs pour gagner l'Oscar du meilleur film et meilleur réalisateur. Sauf que Bong est arrivé et à tout prix. Et c'est pas si mal parce que Parasite c'était vachement cool. Et voilà, juste essayer de regarder ce film. Malheureusement, on pouvait pas le voir en salle, mais de toute façon les salles sont fermées, donc voilà. Mais même si elles étaient ouvertes, ça c'est pas possible. Mais c'est absolument cool et même si ils vont vous dire le contraire, voilà, moi j'ai adoré. Alors je dis pas que 1917 est mauvais. Je dis que c'est clairement pas ma came. Mais déjà, j'aime pas les films de guerre de base. Vraiment, ça m'emmerde les films de guerre. Mais pour le coup, je reconnais un vrai bon taf technique à 1917. C'est-à-dire que, oui, c'est. Oui, la photographie est magnifique. Oui, le plan séquence, c'est absolument malade. Mais franchement, le film m'en touche tout sans faire bouger l'autre. Très, très, très. J'aime beaucoup cette phrase. C'est marrant. J'avais toujours entendu, j'aime beaucoup. T'avais jamais entendu ça? Non, non. Mais du c'est coup, le quatrième podcast qu'on fait ensemble et tu m'as jamais entendu dire ça? Je crois pas. Ça sort tout le temps cette phrase. Ah ouais, ouais. J'ai dû pas m'en souvenir. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je viens de me rendre compte que j'ai oublié un point, c'est que en termes de reconstitution, en termes de costumes, en termes de décors, j'ai trouvé ça aussi vachement bien fait. Et voilà, je pense qu'il y a eu un vrai tap sur le film et qu'il mérite d'être vu. Et voilà, comme j'ai dit, d'être vu si possible dans les meilleures conditions. Et donc, je vais laisser Ulysse introduire son top 5. J'avais oublié de dire, mais il y a Benedict Cumberbatch. Donc, il y a Doctor Strange. Oui, il y a Doctor Strange. Le caméo de Benedict. Oui, il y a un caméo de Benedict, ça y est. Et il y a d'ailleurs Richard Madden aussi. Qui ? Richard Madden. Qui ? Richard Madden. Qui ? Tu connais pas Richard Madden ? Non, dis-moi qui c'est. C'est le monsieur qui joue le manager de Elton John dans Rocketman. D'accord. Voilà. C'est celui qui joue le frère de Blake. Du coup, mon top 5, il s'agit de Alcoholotest. Non, Drunk, de Thomas Vinterberg. Alcoholotest. De son nom québécois. Voilà, on devait trouver un moyen de caler les Québécois. On était obligés. Alcoholotest. Jeg ved ikke, men jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dejligt. Jeg er i bil. Jeg skal bare have en dansk vand uden citrus. Uden citrus, ja tak. Ja. F, det er godt det her. Det er sgu synd, du er så fornuftig. God. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt? Der findes en norsk filosof. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtid. Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende. Det gør jeg også. Så det er det, vi gør. Donc, Drunk de Thomas Vinterberg, c'est un film, c'est le dernier film que j'ai vu en salle, du coup, oui. Mais je crois que j'en ai déjà parlé dans un podcast. Je sais pas ce que je peux dire, en fait. J'ai pas grand-chose à dire sur le film de plus que ce que j'avais dit à l'époque. Je trouve le film vraiment très, très, très drôle et qui gère vraiment les ruptures de ton à la perfection. C'est un film qui parle de la vie, qui parle de l'alcool, etc. Et je le trouve vraiment très bien réalisé. La musique est très très bonne. Même sans parler de... What a life! What a sun! What a beautiful, beautiful rise! Yeah, yeah! Donc voilà, très très bonne découverte. Drunk, c'était mon premier film c'est toujours mon premier film de Vinterberg et je le répéterai jamais assez, mais si vous voulez voir Matt Vikernes Matt Mikkelsen dans un autre très très bon film, je vous conseille le film qui s'appelle Coco versus Chanel. Coco Chanel et Igor Stravinsky. Coco versus Chanel. Merde, qu'est-ce que je raconte? Oh, mais laissez-moi me remettre. En fait, il a mis de l'alcool, là, il l'a pas mangé, il a juste bu une grosse bouteille de vodka. Coco versus Chanel. Du coup, il est comme Sarkozy dans Drunk, en fait. Histoire de la conquête de Mars. Vous avez des questions? Par le même réalisateur que Twix droit versus Twix gauche. Ah oui, oh putain, je me souviens. Allez. Non, bon. Coco Chanel et Igor Stravinsky, très très bon film aussi de Yann Kounen. Il y a des scènes de cul, donc regardez ce film. Et ouais, du coup, on peut voir des scènes de cul avec Mads. Et on voit la bite de Mads à un moment. Donc voilà, regardez ce film. C'est mon seul argument. En parlant d'Yann Kounen, j'ai découvert 99 francs très récemment et c'est trop bien. Donc voyez 99 francs de Yann Kounen. En parlant d'Yann Kounen, hier soir j'ai vu 9 mois ferme d'Albert Dupontel et il fait un caméo où genre il est juste avec Gaspard Noé dans une cellule et il regarde le personnage d'Albert Dupontel s'évader de la prison et j'ai hurlé de rire. Mais tu sais qu'il fait aussi un caméo dans son propre film, là, dans Mon Cousin. Il y a Gaspard aussi, ouais. Il y a Dupontel, il y a Gaspard Dupontel, il ouais, y a les trois. Gaspard Dupontel et Yann Kounen, ouais, qui joue, trois, qui joue des fous dans un asile. Oui, et j'ai pas vu Mon Cousin. Mais... C'est cool, Mon Cousin. En fait, je voulais aller le voir, et genre, tu sais, on est sorti de... c'était quel film? On avait été déçus en plus un peu. Je sais plus, avec un pote, on était sortis d'un film et on se dit putain, on va aller voir mon cousin. Et en fait, genre pile le jour où on était, c'était là qu'il le programmait pas. Tu vois, il y avait un jour dans la semaine où il était pas programmé, c'était ce jour-là. On avait le seum. Name. Et du coup, je sais pas s'il est trouvable. Non, je pense pas qu'il soit trouvable, il est sorti il y a pas longtemps. Donc, bah, on va attendre. Hein. Donc, je vais parler de mon top 5. À savoir Night Shot. Alors Night Shot, c'est un film d'horreur français qui est une exclusivité Shadows, encore une fois, on y revient, qui est réalisé par Hugo Koenig et avec du coup dans le rôle principal Nathalie Couturier, qu'on n'a pas vu dans grand chose, et Hugo Koenig qui n'a pas fait grand chose derrière non plus. On y suit du coup l'histoire du personnage joué par Nathalie Couturier qui s'appelle j'ai pas son nom, donc qui joue une jeune blogueuse qui blogue dans enfin qui est spécialisée dans l'urbex et elle décide pour son épisode d'aller visiter un ancien hôpital abandonné. Donc le film s'inspire beaucoup de la creepypasta, qui est une histoire vraie d'ailleurs aussi, du sanatorium de Waverly Hills, et le film et un plan séquence d'une heure et demie, un vrai plan séquence sans aucune coupe, sans rien du tout. Le film a nécessité 7 nuits de tournage du coup il prenait 2 prises par nuit et donc celle qui a été bonne c'était la 13e, il me semble. C'était la 13e. Le film a été tourné du coup au sanatorium d'Incourt dans le 95. Et le film est creepy de fou. Vraiment, c'est un des meilleurs fan footage que j'ai vu de ma vie. C'est quasiment au niveau de Rec, je trouve. Et je dis ça alors que je suis un énorme fan de Rec. C'est, bah, d'ailleurs, c'est sûrement mon deuxième fan footage préféré derrière Rec. En même temps, niveau fan footage, à part Rec et Chronicle, il n'y en a aucun que je peux considérer comme des chefs-d'œuvre. Donc tu es d'accord pour dire que Rec est mieux que le Blair Witch ? Ah, mais largement. Merci. Mais c'est merci infiniment beaucoup. Mieux. Rec merci est beaucoup. Infiniment mieux que Blair Witch. Clairement. Mais il n'y a voilà. Même pas de débat à avoir. On est Rec d'accord. Est infiniment mieux que Blair Witch. Je comprends pas ce que les gens ont avec Blair Witch, vraiment. Ben, c'était la mode à l'époque. C'est, ouais. Vraiment. Vraiment, attends, tu mettras ça en off. J'ai eu un débat sur Insta avec un mec qui disait que le film était génial parce que il a prouvé qu'on pouvait faire du cinéma sans que ça coûte trop cher avec du fan footage. Ce à quoi je lui ai répondu Cannibal Holocaust, qui est sorti 19 ans avant Blair Witch, oui. Et qui est un fan footage. Le mec m'a dit ouais, mais le film est culte. Je fais, c'est absolument pas un gage de qualité. C'est exactement. Et le mec m'a dit. Ouais, mais ils ont entretenu le mystère autour, les gens pensaient que c'était vraiment vrai. Si les gens sont cons, c'est pas mon problème. Il y a eu une bonne com autour, genre, oui, il y a eu des faux avis de recherche qui ont circulé du coup sur les acteurs du film. Mais c'est pas un gage de qualité non plus, c'est de la com. C'est surtout que là où ça a pris une ampleur différente, c'est sur vraiment Cannibal Holocaust. C'est là où vraiment les réalisateurs ont dû s'expliquer, quoi, tu vois. Donc, ils sont allés devant la justice quoi, pour oui. Parce qu'ils pensaient que les acteurs étaient vraiment morts et les acteurs ont juste pointé au tribunal, du coup. Bah oui. Par contre, et ils n'ont rien eu pour les vrais aussi. Meurtres d'animaux. Si, je crois que oui. Ok. Parce que la scène de la tortue, elle est hard à regarder, hein, pour le coup. Je l'ai pas encore vu, du coup, mais ouais. Mais vois Cannibal Holocaust, j'ai un Blu-ray d'ailleurs. Petit fun fact. Je sais pas si tu vois qui c'est, le youtubeur Dirty Tommy. Ouais, je connais, ouais. Bah, en fait, il bossait dans un magasin de DVD, dans le magasin où j'ai acheté, du coup, plusieurs films que j'ai, notamment... Et c'est lui qui te l'a vendu. Notamment le Blu-ray Cannibal Holocaust, mon coffret Blu-ray de Kubrick aussi, c'est lui qui me l'a vendu. Bref. Et il bossait dans un magasin de DVD à côté de chez moi. Et en fait, lui et ses collègues avaient trouvé ça marrant de mettre un sticker « Coup de cœur Gulli » sur le Blu-ray de Cannibal Holocaust. Quel génie. Et j'ai gardé ce sticker, il est toujours sur mon Blu-ray. Mais oui, mais évidemment. Oh, mais quel génie. Donc j'ai un sticker « Coup de cœur Gulli » sur mon Blu-ray de Cannibal Holocaust. Bref, du coup, pour revenir à Nightshot, donc on a un fan footage français en complet plan séquence et vraiment vraiment creepy, vraiment. Je l'ai vu sur mon ordi, j'étais je pouvais pas détourner le regard, vraiment c'était très dur niveau tension à tenir. C'était excellent, c'est excellent. Voyez Nightshot, c'est une exclu Shadows. Prenez les 7 jours gratuits, ensuite vous découvrirez que Shadows c'est vraiment génial, donc vous abonnerez. Et puis putain, Shadows c'est trop cool, mais Nightshot c'est génial, et voyez Nightshot, voyez vraiment Nightshot. Shadows virement. Oui, Shadows virement. Je pense que là on a fait plus de pubs que n'importe qui dans tous les épisodes en fait, on cale le mot Shadows et allez sur Shadows. Ouais bah en même temps, ils sortent une exclue par mois, donc voilà. Et c'est qualitatif. On parle que des exclus, mais il y a un catalogue aussi de qualité. Fou dangereux, un catalogue de fou dangereux. Ouais, genre il y a Martyr, quoi. Il y a Martyr, il y a Junior. Il y a Junior. Junior de Julien Ducournau. Bien sûr. Il y a L'Orphelinat de Juan Antonio Bayona. Ils ont plus Hellraiser depuis quelques jours, Shadows. Oui, merde. C'est parti le 1er novembre. Et vous savez un truc marrant, c'est que Netflix a fait la pub pour Eternal Sunshine alors qu'ils ont perdu les droits. C'est pas très doué. On va enfin pouvoir parler correctement de Adieu les cons, puisque c'est mon top 5. 5 points. Les mains derrière la tête. C'est une méprise. S'il vous plaît, docteur. Vous êtes le médecin ? Oui, j'ai un petit garçon avec vous. On a eu un enfant ensemble. Dans toutes les brunes à tempérament, elle cherche la vie, l'énergie du positif. Elle cherche surtout son gamin. Et là encore, c'est une quête d'amour. Je t'aime. Ce sont les mots les plus importants à dire dans une vie. Donc, ils ont déjà raconté l'histoire du film. On en a déjà parlé dans ce podcast. Je suis dans une phase où je regarde vraiment beaucoup de films d'Albert Dupontel. J'ai vu récemment Enfermé dehors, j'ai vu 9 mois ferme, enfin voilà. J'ai vu Bernie, oui. Okay. Je me suis rendu compte que j'adorais Albert Dupontel, que ce soit en tant qu'acteur ou en tant que réalisateur. Et je pense que j'irai revoir Adieu les cons en 2072 quand les salles réouvriront. Parce que, voilà. En fait, vous avez tout dit, c'est-à-dire que. Ça joue magnifiquement bien, voilà. Même si, on s'en bat un peu les couilles des Césars, j'espère que Virginie Efira l'aura. Albert Dupontel, il s'en branle, il veut pas de récompense, donc voilà. C'est, voilà, la photographie est magnifique, c'est bien rythmé, il y a des caméos absolument géniaux. Et je trouve que c'est très bien ficelé au niveau du scénario, c'est drôle, c'est émouvant, il y a tout. Je pense que j'ai pas tellement à rajouter par rapport à ce qu'ils ont dit et par rapport à ce qu'on a pu dire dans le podcast où on en avait parlé. Donc voilà, rien n'a changé, c'est toujours aussi bien, donc allez voir Adieu les cons. Et Ulysse, je te chaîne, oui. Le français, je le parle très mieux que toi. Ah je ouais, chaîne. Grave, ah mais là... Et Ulysse, je te laisse enchaîner sur ton top 4, même si c'est un film dont on a déjà parlé dans ce podcast. Voilà. Oui, mesdames et messieurs. Alors, je m'éclaircis un petit peu la gorge pour dire que voilà. Je vais donc vous parler de du Depraved. I figured it out. I figured out how to bring them back. And so it begins. While others are dealing with molecular science, DNA, petri dishes, we're in here dealing with blood and guts. extreme sports of biology. Ou dépraved quand on est une grosse merde en anglais comme moi. C'est faux, je suis quand même pas mal en anglais et respectez-moi. Donc c'est un film de Fassbender qui est donc aussi un acteur. Et il s'appelle du coup Larry Fassbender. Donc c'est le réalisateur scénariste du film. C'est un film qui est sorti en exclusivité sur Shadows, en France en 2020, mais il est sorti du coup en 2019 outre-Atlantique. Donc c'est un film qui raconte les histoires d'une sorte de Frankenstein moderne. Du monstre de Frankenstein. Oui, de monstre de Frankenstein, excusez-moi monsieur le puriste. Donc qui raconte l'histoire du monstre de Frankenstein moderne, donc l'histoire d'un mec qui va se faire buter et qui va se faire reconstruire par un mec qui s'appelle Alex. Et donc voilà. D'ailleurs, pour information, le mec qui joue Adam dans le film, l'acteur, il s'appelle Noah Le Gros. Voilà, c'est gratuit. Voilà. Et du coup, avec une très très bonne photo, un film qui parle de l'humanité, des sentiments de l'humain au final, à travers les yeux du coup de ce mec qui est pur en fait et qui va se faire corrompre par la société. C'est un peu comme ce que disait Alejandro Jodorowsky, pour le citer parce que c'est mon amour de toujours. Il a dit l'humain en fait quand... Oh putain, là j'hésite. Est-ce que je parle de Jodorowsky ou est-ce que je parle de Freud? On parle des deux. Hein. Bon, vas-y, en gros, c'est en gros, on pourrait traduire ça avec la théorie de Freud du moi, du surmoi et du ça. C'est-à-dire quand tu nais en fait... je suis un mélange des deux théories, j'en ai rien à foutre. Quand tu nais en fait, t'es un être parfait. Un être qui n'a pas été perverti par, qui n'a pas été influencé ni perverti par le monde. Donc, tu as un regard pur sur le monde. Et donc ça, c'est, et donc tu réponds en fait à tes pulsions. Donc c'est le moi. Et après, tu vas avoir des sortes de barrières et de bagages que vont t'apporter en fait plusieurs choses. Déjà, la famille va t'éduquer. La société va t'éduquer, l'éducation va t'écouter, va t'éduquer, la culture va t'éduquer. Tout ça en fait va faire de toi l'humain que tu es actuellement. Et c'est ça en fait le surmoi. Le surmoi, c'est tout ce qui bloque ton moi en fait, toutes ces barrières morales. Donc la maxime. Donc la maxime, c'est la morale pour ceux qui voilà. Et donc est-ce que c'est compréhensible? Oui, ça va. Ok. Parce que j'aime bien parler de métaphysique ici. Au final, en fait, du coup, chaque être suit sa propre maxime qui lui a été dictée par la société, par la famille, par la culture, par l'éducation. Et c'est un peu ça que raconte Depraved en fait, parce que ce mec qui va renaître en fait va en fait être perverti. Par le monde, par la société, par les êtres humains. Nous vivons dans une société. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Non. C'est vachement plus subtil que ça. Société, sans déconner, que tu me l'apprends, je savais pas. Bref, et au final, en fait, ça montre à quel point, en fait, non, mais c'est le problème, en fait, il n'y a pas que la société qui va faire de Adam ce qu'il est à la fin. Au final, c'est aussi le gros connard, là, il s'appelle comment déjà? Ouais, on voit très bien de qui tu veux parler, mais on n'a pas le nom du personnage. Polidori, voilà. Polidori. Ah oui, avec son nom bizarre là. Et Polidori, voilà. Qui est un gros connard en fait, et du coup qui va entraîner un peu Adam malgré lui en fait à être quelqu'un d'horrible, parce que Polidori est quelqu'un d'horrible avec une très très mauvaise morale. Et en fait, au final, on a ça. On a le film en fait a aussi ce côté très très bizarre de confrontation en fait entre Alex et Polidori, parce que les deux personnages en fait se confrontent les deux morales des personnages en fait se confrontent beaucoup. Et du coup en fait Adam il est pris au milieu de ce conflit entre Adam et Polidori, donc et Polidori qui symbolise un peu le chaos et Adam qui est beaucoup plus bienveillant en fait. Et donc voilà, le film a une mise en scène folle. Le film, il est extrêmement inventif. Il fait référence au vieux film au vieux film classique d'Universal Monsters. Il fait référence à tous ces vieux Frankenstein jusqu'à l'allure de Adam. Mais à travers, il écrit l'histoire d'un nouveau personnage. Donc, au final, il prend des éléments du passé, mais pour s'affranchir en fait de tout ça. Et voilà, on est sur quelque chose d'assez particulier. Mais le film vaut vraiment le coup d'œil. Il est somptueux, vraiment. Il est magnifique. Il est très très bien réalisé, très très bien joué. La musique, elle est superbe. C'est un peu comme un film dont je vais parler plus tard, mais. Pour la musique du film, on a pas mal de rock indé, etc. Et voilà, c'est une grosse merveille. Donc je vous conseille ultra, ultra, ultra fort de regarder Depraved. Oh putain, j'ai parlé beaucoup. Ouais. C'est à moi de parler de mon top 4, du coup. Et c'est un top 4 qui va plaire à Ulysse, mais du coup, je vais pas trop en parler parce que Ulysse en parlera plus tard. Vu que je parlais des enfants du temps de Makoto Shinkai. Une fille soleil. La pluie. Et maintenant, il va faire beau. Donc les enfants du temps de Makoto Shinkai, on suit du coup Odaka, qui est un jeune garçon qui a fugué de chez lui, il me semble. Oui. Qui a fugué de chez lui et qui est parti du coup s'installer à Tokyo. Et qui va faire la rencontre de Ina, qui est une fille soleil. C'est-à-dire une fille qui a le pouvoir de dégager, disons, le temps et de rendre le soleil là où il y avait auparavant la pluie. Ouais, mais t'as oublié de dire aussi que c'est dans un univers où Tokyo est en permanence sous la pluie, en fait. Et les tempêtes, ça a plu. Ouais. Donc, comme l'a dit Ulysse, du coup, il pleut constamment à Tokyo, et c'est du coup un pouvoir qui est très utile à Ina pour, par exemple, se faire de l'argent, pour elle se fait payer, du coup, pendant le film, pour des événements. On lui demande de ramener le beau temps pour des événements précis. Et du coup, elle et Odaka vont pouvoir se faire de l'argent avec ça. Sauf que un terrible sort pèse sur Ina. C'est-à-dire que... Spoil pas. Je ne dirai rien, du coup. C'est déjà arrivé à 1h10 de film, mec. Mais disons qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Non, je vais pas en dire beaucoup plus. Le film est magnifique. C'est le réalisateur de Your Name, du coup, qui est du coup réalisateur et scénariste sur ce film, Makoto Shinkai, qui est d'ailleurs une suite de Your Name, on va dire. Qui se passe dans le même univers, du coup, vu qu'on trouve les mêmes personnages, dont j'ai oublié le nom. Ulysse, tu vas me faire le plaisir de le dire. Taki Mitsuo. Merci. Et c'est magnifique, c'est vraiment beau comme film. C'est une petite pépite visuelle parce que c'est du coup les effets surtout avec la pluie et le soleil du coup qui rendent magnifiquement bien. Ça c'est ce que disait un youtubeur qui s'appelle le Random Watcher, mais t'as au moins 15 animateurs qui sont morts dans les transitions des films de Makoto Shinkai. Et eh ben écoute, RIP en paix à ses animateurs. J'ai même pas compris ce que t'as dit. J'ai dit RIP Ching et Chong. C'était très raciste, mais c'est assumé. Si c'est assumé, alors là, ça va. Ouais. C'est ce que j'allais dire, si c'est assumé. Bienvenue dans l'univers corrosif du podcast de la nuit. Ici, nous avons un humour très corrosif. Oh, regardez là-bas un portugais. Oh, regardez là-bas un portugais. Lapidons-le. Lapidons-les. Mais arrête, ne lapide pas après, ils vont construire un mur pour se protéger. Ah putain, le racisme, c'est bon, mangez-en. Vous comprendrez que je suis absolument fatigué de ces deux personnes. Et tu nous aimes d'amour, Hugo. Bah oui, en plus il est gentil, il fait même pas de blagues sur les baguettes. Non, bah non, parce que je ne tomberai pas aussi bas. J'en perds mon béret. Oui, bah du coup, Les Enfants du Temps, c'est magnifique. Je l'ai découvert un ou deux mois après avoir découvert Your Name. Et bordel, ce que c'est beau, c'est magnifique comme film, c'est génial. Voyez Les Enfants du Temps, enfin, voyez les films qu'on met dans nos tops, de toute façon, parce que nous sommes le bon goût absolu. Ouais. Sauf Hugo qui aime Cars 2. C'était gratuit, et du coup, oui. je laisse la place à Hugo pour son top 4 à lui. Eh bien, mon top 4, il s'agit de Alcotest ou Drunk, dont on a déjà vaguement parlé. Hvorfor klarer du for barnet, hvad som har hændt? Jeg hele tiden synes, det var fint, at I eksperimenterede alt muligt, men det her, det er over grænsen. Et donc, voilà, Ulysse va pouvoir développer ce qu'il a voulu dire ce qu'il a voulu dire dessus, pardon. Mais vas-y toi en premier, vas-y toi en premier. Ouais. Trunk, je sais pas si t'avais dit, il me semble pas que t'avais raconté l'histoire. C'est l'histoire de 4 profs qui en gros vont décider de tester une théorie comme quoi il manquerait naturellement à l'homme 0,5 grammes d'alcool dans le sang pour atteindre son plein potentiel. Et donc ils vont décider de tester cette théorie. Et donc, ils vont littéralement se bourrer la gueule sur leur lieu de travail, qui est un lycée, quoi, du coup, comme c'est des profs. Comme je disais avec Felicita, c'est un signe qui sait varier entre les genres, qui sait être feel-good, comme qui sait être un peu dramatique. Ça montre quand même les conséquences de l'alcool, c'est-à-dire que on n'est pas là pour vous dire l'alcool c'est bien ou l'alcool c'est pas bien, on est là juste, voilà, ça montre les effets de l'alcool sans vraiment donner un avis dessus. Le cinéma de Thomas Vinterberg s'est très tourné vers le réalisme. Je l'ai dit au moment où on a fait l'épisode, je le redis là, la scène de fin, c'est, je crois, ma scène préférée de 2020 au cinéma. Voilà, la musique, je l'écoute encore. Sur Spotify, il y a une playlist qui est en boucle, qui en gros vous définit ce que vous écoutez, c'est-à-dire en fonction de ce que tu écoutes, la musique va être plus ou moins haute dans ta playlist. While Alive, là, actuellement, est troisième, pour te dire. C'est quoi les premières? C'est la BO de Ghost Story et Don't Leave Me Now, que j'avais mis dans le blind test. Don't Leave Me Now. Voilà. J'espère que... ça c'est officiel, le film représente le Danemark aux Oscars. Après, quand on voit que Fille de Joie représente la Belgique, je pense que Drunk n'a aucune chance. Tu peux en témoigner, Roman. Fille de Joie, c'est de la merde. Oh, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est de la merde. Ce sera dans tes flops? Oui. Ok, on en parle dans le prochain épisode. Voilà, on tease un peu comme ça. Voilà. J'espère que Oscar du meilleur film étranger, a priori, ça devrait le faire. Et j'espère que Mads va faire un braquage et qu'il va prendre le meilleur acteur. Parce qu'il le mérite totalement. Voilà. Et Vino Clark, meilleur acteur dans un second rôle. Ça n'arrivera pas, mais c'est un rêve. Donc, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, sachant qu'on a dont on a déjà parlé dans une précédente émission. Oui, non, moi franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur le film parce qu'on a déjà un peu tout épongé sur le sujet. Mais ouais. Très bon film, Drunk. À voir à la réouverture des salles. Voilà. Et là, du coup, Ulysse, on va te laisser enchaîner. Sur ton top 3, le podium commence. Alors, le top 3, c'est un film qui est sorti en France uniquement en DVD au début de l'année. C'est Roman qui m'a appris ça. Donc, c'est pour ça que je me permets de le mettre donc, dans ce top. En troisième position, nous avons un petit film totalement indépendant qui a été produit pour à peu près le prix d'une location en Ardèche, à savoir The Headhunter, qui est sorti outre-Atlantique en 2018. Donc quoi, il a mis beaucoup de temps à sortir en France. I always thought I could protect her. What took her from me is still out there. Ulysse, ouais. 30 000 $. Oui, je sais. 30 000 $. 30 000 $, c'est que dalle. Mais non, c'est rien. C'est le prix de. C'est le prix du budget qu'a fait d'Avengers. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est le cachet du petit orteil de Danny Boone sur le de chez Ch'ti. Ouais. Donc, c'est un film réalisé par Jordan Downey. Qui est sorti en avril 2019, du coup, aux États-Unis. Ça raconte l'histoire, en fait, d'une sorte de chasseur de monstres qui vit en plein milieu des bois dans un monde de fantasy, dark fantasy. Il est à la recherche, en fait, du monstre qui a tué sa fille. C'est un film qui dure 1h12, donc que dalle, vraiment le film très très très très très très rapide à finir. Et pour le coup, ce film, je vous recommande grandement de le regarder dans des très très bonnes conditions, donc sur une télé, déjà le film en bonne qualité, minimum 720p sur une bonne télé, parce que c'est un film extrêmement contemplatif. Toute la première partie du film qui passe extrêmement vite, vraiment. C'est surtout du contemplatif, voir un peu la vie quotidienne de ce chasseur de monstres pendant près 40 minutes où tu le vois en train de fabriquer des armes, en train de fabriquer des potions, en train de combattre 2-3 monstres et d'accrocher leur tête comme trophée. Puis après, et un jour, en fait, on lui donne une mission, il part, etc. Et toute la deuxième partie du film, en fait, c'est lui qui va affronter le monstre. Et donc la mise en scène est très très bonne, l'image est absolument magnifique, et le personnage principal joue super bien, et même si le film est quasiment muet, genre vraiment, vraiment, vraiment, je suis même pas sûr qu'il y ait dialogue dans ce film. Je suis pas sûr. Je pense pas. Roman, il y a des dialogues dans The Headhunter ? Il y a des monologues, je crois. Je crois qu'il y en a un petit monologue. Je crois qu'il se parle à lui-même. Ouais, très très vite fait. Ou alors je crois qu'il parle à un cadavre à un moment, peut-être. Ouais, ouais, c'est d'autres trucs comme ça. En termes de dialogue, on a presque rien. On a juste ça. Et malgré tout, le film arrive quand même à nous décrocher des émotions. Moi, je sais que j'ai lâché quelques larmes à la fin du film. Parce que, je sais pas, t'es emporté dans une sorte de tourbillon à la fin qui est vraiment dans un délire de film d'horreur un peu bizarre, un peu chelou, et ça me fait bizarre d'en parler, le film m'a vraiment touché, quoi, en fait, et sans que je sache pourquoi. C'est vraiment un film très bizarre, parce que il a réussi à me choper, il m'a secoué dans tous les sens, et il t'a choqué par le callback. Quoi ? Il t'a choqué par le callback ? Voilà, c'est ça. Il m'a chopé par le callback, il m'a secoué dans tous les sens et il m'a lâché sans que je sache pourquoi, en fait. Parce que tu me demandes pourquoi j'ai été aussi ému par The Headhunter, je ne sais absolument pas. Clairement. La musique est somptueuse, les costumes, ils sont énorme. Je pense d'ailleurs que les costumes, c'est ce qui a pris la plus grosse partie du budget. Mais ouais, les maquillages SFX sont grandioses aussi. C'est un réel ovni, ce film. Je ne comprends pas. Mais je peux pas m'empêcher d'être fou amoureux de ce film. Voilà. Et c'est que le numéro 3. Les deux autres, ça va être encore plus violent. Donc, ouais, bah merci Ulysse, du coup, pour The Headhunter, vu que t'es le seul à en parler dans tout top. Je parlais d'un film, du coup, moi aussi, dont je suis le seul à parler, et pour le coup, je suis le seul parmi nous trois à l'avoir vu, il me semble, puisque je vais parler de Palm Springs. I don't think that we met. I'm Sarah. Niles. Hi. Hi. It's gonna be a beautiful wedding. Donc Palm Springs est une exclue Hulu et ça raconte l'histoire de d'un homme qui s'appelle Niles ou Niles, ça dépend, joué par, et c'est ce qui m'a fait voir le film, Andy Samberg, qui est du coup l'acteur principal et le scénariste de la série Brooklyn Nine-Nine. Et Brooklyn Nine-Nine, c'est beaucoup trop bien. C'est vraiment une des meilleures séries du monde, regardez ça, c'est génial. Et donc Palm Springs, ça raconte l'histoire de Andy Samberg, donc Niles, qui est à un mariage, au mariage de la sœur de sa copine, ou de la meilleure amie de sa copine, et qui va se rapprocher d'une fille qui s'appelle Sarah. Sauf qu'au moment où ils s'isolent et au moment où ils sont tous les deux, ils se font tirer dessus avec un arc et des flèches par J.K. Simmons. Quoi ? Pardon. Oui. Et Niles va emprunter un portail qui se trouve dans une grotte en suppliant Sarah de ne pas le suivre, sauf que Sarah va le suivre et va réaliser, du coup, après avoir franchi le portail, que... Niles est en fait bloqué dans la même journée depuis qu'il a franchi ce portail, que c'est également le cas du personnage de J.K. Simmons qui s'appelle Roy, et que du coup ils sont bloqués dans cette journée-là, dans le mariage de, donc qui est la sœur de Sarah, la fille qui se marie. Donc ils sont bloqués à ce mariage tous les deux. Ils revivent cette journée encore et encore et encore. C'est un film qui est déjà très drôle, surtout aidé par Andy Samberg, qui est absolument hilarant, et sacrilège pour certains, pas du tout pour d'autres. Je l'ai vu en VF parce que la VF d'Andy Samberg est juste excellente. Et du coup, on va suivre la relation naissante entre Sarah et Niles. C'est génial. Bordel de merde, que c'est génial. C'est juste beaucoup trop bien. Et t'as des scènes... Ça peut être du gros délire, comme ça peut être du drame, comme ça peut être de la scène complètement hallucinatoire. Il y a une scène où ils ont pris des psychotropes et du coup, ils voient des diplodocus. Voilà. Et t'as J.K. Simon, son méchant... Bordel de merde, c'est génial, Palm Springs. C'est beaucoup trop bien. Ça m'intéresse. Peut-être que je vais me le mater, du coup. Et vraiment, ça dure une heure et demie. C'est rapide à voir et c'est beaucoup trop bien. Vraiment, foncez voir Palm Springs. C'est génial. Alors, mon top 3, du coup, Roman en a déjà parlé. Il s'agit de Play de Anthony Marciano. Voilà, tout ce que j'ai filmé depuis 25 ans. Je crois que j'ai besoin de tout revoir depuis le début. Merci papa, merci maman pour ce cadeau incroyable. Action vérité. Action. Ouais. Round one. Au revoir caméra. On te rallume dès qu'on obtient la moyenne. Yeah. Alors, Ulysse, il va être tenté de remettre la BO. Mais ne remets pas la BO. On doit avancer, Ulysse, tu le sais. Putain. C'est un film, donc voilà, comme Roman l'a dit, qui suit le parcours d'une bande de potes pendant 20-25 ans. C'est absolument fabuleux. On passe par toutes les émotions. J'ai énormément pleuré. Il faut savoir que je fais un gros mea culpa sur ce film parce que le soir où je l'ai lancé, je me suis dit, ouais, j'ai vraiment envie d'un truc à la con, genre vraiment un truc qui se regarde mais sans plus, quoi. Et du coup, j'ai lancé ça et du coup, je me suis bien fait claquer. Et du coup, le film se retrouve top 3 de mon top de l'année, tout simplement. Il y a un très très très bon casting, mais je vais faire revenir le running gag. Alice Izaz, si tu écoutes ce podcast, voilà. Oh mon Dieu, le charreau. Tu sais comment ça se finit. Non, plus sérieusement, j'aime beaucoup cette actrice, je la trouve très talentueuse. J'ai vu récemment Elle de Paul Verhoeven. Je ne savais pas que je pouvais trouver Alice Izaz détestable, mais son personnage est clairement détestable dans Elle. Et voilà, encore une fois, je passe après tout le monde. Il y a un très bon montage, j'ai vraiment beaucoup aimé le côté fan footage, les musiques. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de la BO? Enfin, pas de la BO, mais des musiques de Play. Non, franchement, c'est pas nécessaire. Et voilà, juste plongez-vous dans ce film parce que j'ai l'impression qu'il est sorti. Il est sorti en janvier, donc j'ai l'impression qu'il est un peu passé inaperçu. Donc voilà, n'hésitez pas à le rattraper si vous ne l'avez pas vu et j'aurais vraiment kiffé le voir en salle. Voilà. Ouais. Donc, on va pouvoir rentrer dans le top 2, Ulysse. Eh bien, je me craque les doigts. Parce qu'on va encore une fois parler de film pour gros dépressifs. Je vais vous présenter un gros chef-d'œuvre. Encore une fois, une exclu Shadows, mais que voulez-vous, je suis beaucoup trop amoureux de Shadows. Je vais donc vous parler de Starfish, réalisé par A.T. White. My name is Aubrey Parker, and I think I might be the last person left. Hello? Anybody? Please. You know what used to be my dream? Was for everyone to just disappear. Donc, Starfish, ça raconte l'histoire de Aubrey, qui est en... Oui, j'ai oublié de parler, mais j'ai oublié de dire, mais le film parle de deuil aussi. Bref, on a l'histoire de Aubrey, en fait, qui assiste à l'enterrement de sa meilleure pote, Grace. Et le temps d'une soirée, elle n'arrive pas à faire le deuil et elle va s'introduire illégalement dans le domicile de Grace. Donc, voilà. Sauf que le lendemain matin, le monde a été envahi par des sortes de gros monstres. Et il semblerait que Aubrey fasse partie des derniers survivants. Évidemment, Starfish est un film qui est très bizarre. Il est dans une sorte de teinte extrêmement mélancolique, parce que c'est vraiment pendant 1h40, c'est ce qu'on va t'envoyer dans la gueule, de la mélancolie, la dépression du personnage principal, sa solitude, son mal-être, et toutes ces émotions fortes, en fait. Au fur et à mesure du film, elle va essayer de faire le deuil de son amie qui est morte, en rassemblant notamment les souvenirs qu'elle avait avec elle, etc., en essayant, en fait, de sauver l'humanité c'est un délire, en gros, avec des cassettes, ça émettrait un signal qui sauverait l'humanité, et les cassettes sont cachées dans la ville, et donc elle doit parcourir la ville en se souvenant, en fait, en esquivant les monstres et en se souvenant, en fait, des moments qu'elle a passé avec son ami. Et donc le film, en fait, parle de ça, du deuil de la mort, de la vie, et aussi donc de la culpabilité. Et donc elle va aussi essayer de faire le deuil donc de sa relation, dont on découvrira les tenants et aboutissants de la raison de la rupture au fur et à mesure du film. Voilà, Starfish, c'est un film très très unique, très étrange, très sensoriel. Parfois, on est même dans du surréalisme. Il y a des scènes qui sont en animation. La musique, c'est du rock indé. Et la photographie du film... Putain, la photographie, c'est Alberto Banarès qui est cinématographe, mais qui a la caméra, et putain de merde. La photographie est magnifique. Le film, bien sûr, peut avoir plusieurs interprétations. Il y a des scènes très méta sur, par exemple, qui est Audrey, qui elle est dans le monde, qui elle est comme personnage de fiction dans un film. Voilà, c'est très étrange. Et je préfère pas vous en dire plus parce que c'est un film qui se découvre, qui s'analyse et qui se réfléchit, qui s'interprète. Il est sur Shadows en exclusivité. Et c'est l'une des plus grosses claquasses que je me suis pris depuis, que je m'étais pris depuis Evangelion. Mais Starfish, c'est un énorme coup de cœur. Voyez Starfish. Mon top 2, du coup, c'est. Bah, on en a parlé du coup au début du podcast. Bah, c'est Saul de Pete Docter. J'ai rien à faire ici, moi. C'était parti pour être le plus beau jour de ma vie. Balance ce soir à 19h et premier set à 21h. Yes! Wouhou! Je suis engagé! Dorothy Williams! C'est ça la fin! Ça va pas, t'as envie de mourir! Oh, pardon, le chien! Oh. Ah, bon, écoute, je suis sûr que t'as eu une vie formidable, mais je déteste la Terre. Et l'autre mec dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, le Pixar de l'année. Donc non, c'est pas en avant, c'est clairement pas en avant, c'est Soul, évidemment. Et à chaque fois que Pixar sort un film, c'est souvent dans mon top. Que ce soit vice-versa ou... Ah, quoique récemment, il n'y a pas trop eu de Pixar qui aurait mérité mon top. Parce que récemment, Pixar, c'est pas... Coco, quand même. Coco, d'accord, mais si tu prends genre Le Monde de Dory ou Rebelle... Oui, bon, après, oui, tout ça, les... Genre les trucs... Ou genre, Toy Story 4. Les Indestructibles 2, Toy Story 4, c'est cool, mais au point d'être dans un top, tu vois, voilà. Ah, Indestructibles 2, quand même, si. Mais bref. Du coup, bah oui, en même temps, Pete Docter, donc le mec chez Pixar a fait que des chefs-d'œuvre. Donc, certes, c'est une co-réalisation comme ce qui avait été Monstres et Compagnie. Mais putain, j'en ai déjà beaucoup parlé tout à l'heure de Soul. Mais j'aime vraiment beaucoup ce film. Et je pense que s'il était sorti plus tôt dans l'année, il serait peut-être plus haut, peut-être plus bas. Peut-être que j'aurais pas pris le recul nécessaire ou je sais pas. Mais en tout cas, là, il est numéro 2. Et c'est sa place, je pense. C'est un chef-d'œuvre. C'est absolument un chef-d'œuvre pour moi, Saul. Hugo, c'est à toi, du coup. Ouais, c'est à moi de parler de mon top 2. Vous l'avez déjà cité. C'était Ulysse de mémoire. C'était il y a longtemps. Mais c'est Lux Aeterna de Gaspard Noé. Voilà, alors est-ce que j'ai besoin de dire à quel point j'aime le cinéma de Gaspard Noé? Franchement, les gars, vous le savez. Oui, on ne le sait que trop bien. Ouais. Tu en parles trop. Tous les Gaspard Noé sont mes Gaspard Noé préférés. Je vois pas un film en dessous des autres. Il n'y a pas un film de Gaspard Noé que j'ai pas aimé. Bon, à part si on compte le court-métrage qu'il a fait là pour Saint-Laurent, qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, sur leur chaîne YouTube, qui, là, pour le coup, est juste une pub avec le style de Gaspard Noé, mais bon, qui n'est pas un film proprement parlé, enfin bref. Lux Aeterna, ça raconte l'histoire de Béatrice Dalle qui veut faire son premier long-métrage en tant que réalisatrice et qui va prendre dans le premier rôle Charlotte Gainsbourg, Et donc, bah, petit à petit, ça va totalement sombrer dans le chaos le plus total. Ça finit par 10 minutes de thromboscope. Et c'est pour ça qu'Ulysse disait que si vous êtes un épileptique, vous décédez devant ce film. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est le film. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi j'entends de la guitare électrique derrière moi? Non, j'écoutais Sly. C'est pour savoir, est-ce que tu as vu du coup le documentaire, enfin le court-métrage que je t'avais conseillé de mater de Gaspar Noé? Non, je n'ai pas vu le court-métrage de Gaspar Noé sur Pornhub. Oh, t'es sérieux? Et donc, pour ce stage, en fait, il y a un documentaire de Gaspar Noé qui s'appelle Sodomix et qui se trouve uniquement sur Pornhub. C'est un documentaire? Non. Pourquoi tu dis documentaire alors? Merde, c'est un court-métrage, pardon. Ah oui, merde, parce que... Un documentaire sur le bouleur de Gaspar Noé avec un plan de 15 minutes sur l'orteil droit de Hulk. Enfin bref, voilà, encore une fois, beaucoup de plans séquences dans le cinéma de Gaspar Noé. J'adore le plan séquence. Il y a plusieurs paris qui sont pris. Il y a le pari du split screen qui est très bien géré. Il y a le pari de faire ce truc épileptique dans les 10 dernières minutes, qui est absolument bien géré aussi. Pareil, c'est le film que j'ai le plus vu en salle cette année, puisque je l'ai vu 3 fois. Voilà. D'ailleurs, la première fois que je l'ai vu, c'était à 22h20. Ça pique les yeux. Ça pique clairement les yeux. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça, mais voilà. Il y a toujours le chef opérateur de Gaspar Noé, qui a fait tous ses longs métrages, sauf Seul contre tous, qui s'appelle Benoît Deby. Qui voilà, les deux fonctionnent parfaitement bien, qui savent te créer des ambiances géniales, et voilà, l'image est magnifique. C'est dommage que ce soit pas un long métrage, ça aurait pu aller beaucoup plus loin, que ce soit l'intrigue avec la fille de Charlotte Gainsbourg, ou même tout simplement à la fin, que ça parte plus loin avec le bûcher. Et voilà, il y a beaucoup de stars. On retrouve des gens qui étaient aussi dans les anciens films de Gaspar Noé. Genre, il y a le mec de Love. J'ai pas d'autres exemples en tête. Voilà, mais il y a des gens, il y a des têtes que j'aime bien, donc c'était agréable. Et ça dure 50 minutes, mais bon, en ressenti, ça en dure 10. Donc voilà, regardez Lux Eterna, ça sort. Je sais pas quand sortira ce podcast parce que je sais pas si j'aurai le temps de monter rapidement. Mais en tout cas, je pense que ce sera déjà sorti en VOD au moment où ce podcast sera diffusé, parce que ça sort le 7 janvier. Voilà. Donc, petite introduction qui ne sert à rien, mais c'est pas grave. J'ai, au tout début de l'année, assisté à l'avant-première du film en question, et j'ai réfléchi pendant toute l'année, et j'ai jamais réussi à le foutre autre part qu'à la première place, tellement ce film m'a marqué. Bon, je peux balancer le nom, sans me les couilles, suspense de balle. C'est Les Enfants du Temps, donc de Makoto Shinkai. C'est un film que j'ai vraiment découvert au tout début de l'année, en avant-première, et il m'a scotché la gueule. Et même, plus j'y repense, c'est un film qui... C'est rare ce nombre de films qui arrivent à me faire ça, mais plus j'y repense et plus je l'aime, en fait. Et du coup, il est, pour moi, à la première place, mais de très très loin. Les Enfants du Temps, donc ça raconte... Je vais raconter un peu comme... Je vais raconter, même si Roman a déjà raconté, mais je vais raconter un peu plus précisément l'histoire, parce que j'ai déjà vu le film plusieurs fois entre-temps, donc voilà. Ça raconte l'histoire du coup de Odaka qui se barre de chez lui parce qu'il en peut plus de sa vie de merde. Et il va se retrouver donc à la rue, dans la ville de Tokyo, sans réussir à trouver des boulots. Et son chemin va croiser celui de Ina, en fait, qui est une fille un petit peu particulière, qui a le pouvoir en fait de chasser les nuages dans un monde où il pleut tout le temps à Tokyo. Et donc il va la sauver, et ensuite il va y avoir une romance qui va se créer. Mais la romance en fait ne va pas pouvoir... Enfin, comment dire... Mais la romance est menacée par le grand ennemi du film, qui est le don de Ina en fait. sans venir plus en détail. En fait, ce qui est très très intéressant, c'est la façon dans laquelle est construit Les Enfants du Temps. Parce que ce film est à vous se passer dans le même univers que Your Name. C'est-à-dire, il y a des caméos du staff de Your Name qui apparaissent, etc. C'est vachement cool. Mais voilà. C'est un film qui raconte l'opposé de Your Name. Même si les deux sont plutôt proches. Les deux se complètent beaucoup, mais l'un est l'opposé de l'autre, en fait. C'est comme deux facettes d'un miroir. Par exemple, Your Name, ça raconte l'histoire d'un amour qui est impossible à cause du temps, donc au sens temporel. Et dans Les Enfants du Temps, c'est un amour qui est impossible à cause du temps, mais dans le sens météorologique. On peut même aller plus loin en disant que... Attention, spoil. Donc, bouchez-vous les oreilles pour les 10 prochaines secondes. Vas-y, je vais essayer de pas dépasser 10 secondes. À la fin de Your Name, les personnages en fait décident de sacrifier leur amour pour sauver en fait les habitants de Tokyo. Enfin, les habitants de putain, ok. Coupe au montage, je recommence. je vais dire plutôt 20 secondes. Petit spoil. Je spoil, donc voilà, je peux aller plus loin, donc faut que je spoil, du coup, bouchez vos oreilles pour les 20 prochaines secondes. Donc, à la fin de Your Name, les personnages principaux, en fait, sacrifient leur amour afin de sauver pour le bien commun, en fait, pour sauver les autres. Alors que dans Les Enfants du Temps, c'est pas le cas, ils décident de... Pour le bien de tous. Voilà. Pour le bien de tous. Voilà, pour le bien de tous. J'ai revu Hot Fuzz. J'ai compris la référence, Roman. J'ai dit 20 secondes à cause de toi, j'ai dépassé, les connards. Bon, vas-y, nique sa mère. À la fin des Enfants du Temps, il décide de nique sa mère, le bien de tous. Moi, je veux pécho. Je veux cette fille parce que je suis amoureux d'elle. Alors, rien à foutre si Tokyo est sous la pluie pendant 15 millénaires. Je veux baiser. Non, plus sérieusement, voilà, c'est deux fins totalement à l'opposé, en fait. Et je trouve ça génial. Visuellement, comme a dit Roman, c'est une dinguerie. Les musiques sont somptueuses. C'est encore une fois Radwimps qui font les bandes-sons, en fait. Donc c'est de la J-pop. Si vous n'aimez pas la J-pop, vous n'avez peut-être pas aimé, mais sachez que moi, j'aime pas du tout la J-pop. Et pourtant, j'aime tellement ce film que je suis tombé amoureux en fait de la bande son. Je vais mettre un petit extrait. Hop. Bref, voilà, on a une bande-son avec plus ou moins ce genre de truc. Et bon, voilà, la bande-son est magnifique. Le film est magnifique. Regardez-le en VF, le doublage est génial. Et c'est super beau, c'est profond, c'est poétique. Et les personnages sont tous putain d'attachants, vraiment. Que ce soit Ina, Odaka ou tous les autres personnages, même ceux qui sont là juste pour les gags, ou même le petit frère de Ina, ou l'adulte, le mec qui prend Odaka sous son aile, qui est à mourir de rire. Voilà, bon, après, petit reproche qu'on pourrait faire, c'est que c'est un peu de l'humour japonais, donc de l'humour un peu à la con qui parfois va sur les blagues de cul. Mais bon. En vrai, c'est pas dérangeant, il y en a pas beaucoup, et puis c'est marrant. Et voilà, donc Les Enfants du Temps, plus gros chef-d'œuvre de 2020 pour moi. Et c'est un film à ne pas rater. Voilà. Je sais pas si tu l'as vu, toi, Hugo. Pas encore, mais j'ai prévu de le rattraper. Oui, il faut que tu le vois, vraiment. Voilà. J'espère que tu t'as pas écouté quand j'ai spoilé. J'ai bien pris mes précautions et non, je n'ai pas écouté quand tu as spoilé. C'est bien. Voilà. Donc, vas-y, c'est bon. Roman, c'est quoi ton top 1 ? Mon top 1, eh ben, je vais parler de Jojo Rabbit de Taika Waititi. Here's Marshal Jojo. You're a top man. Prepare to leave the house. Today you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, and blowing stuff up. I don't think I can do this. Was? Of course you can. When I was your age, I had an imaginary friend. Got me in so much trouble. C'est-à-dire que c'est une des premières séances que j'ai fait au cinéma cette année. Enfin, l'année dernière, du coup. C'était la deuxième, je crois, après Underwater. Et la claque. La claque. C'est-à-dire que Taika Waititi m'avait déjà mis une claque avec Thor Ragnarok, qui est mon Marvel, mon film du MCU solo préféré, disons. Hors film Avengers, sinon c'est Avengers 1. Mais Thor Ragnarok était une tuerie totale. Depuis, j'ai découvert Vampire en intimité, qui est absolument ouf à voir en VF, pour le coup. C'est l'équipe de Message à caractère informatif qui double les personnages principaux. C'est Nicolas et Bruno. Et il y a Alexandre Astier aussi. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Ils font se dérouler le film à Limoges dans la VF. C'est absolument fou. Donc, Taika Waititi, j'ai découvert le film, j'ai découvert Jojo Rabbit en ayant juste vu Thor Ragnarok. Et bordel de merde. Jojo Rabbit, à chaque fois que je le vois, c'est un spectre d'émotions qui me traverse. Vraiment, je rigole, je suis ému, je trouve ça ridicule, trop mignon à la fois. J'ai pas vraiment les mots. Du coup, Jojo Rabbit, ça raconte l'histoire de Jojo, qui est un enfant allemand des jeunesses hitlériennes, qui a pour meilleur ami imaginaire Adolf Hitler, joué par Taika Waititi, justement. Sauf que le gosse est déjà citoyenne et sa mère, qui est jouée par Scarlett Johansson, héberge une jeune juive chez eux qui était une amie de sa fille, donc sa fille qui est décédée, la fille de Scarlett qui est décédée, et sa mère qui est résistante en fait pendant la guerre. Et je sais pas, j'ai pas les mots pour parler de ce film. Jojo Rabbit, c'est juste excellent. C'est un chef-d'œuvre pour moi. C'est le gosse c'est fou. D'ailleurs, le gosse, il a été nominé. Je crois qu'il n'a pas été récompensé, mais il a été nominé au Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie. Et il s'appelle Roman. Voilà, je suis joie. Et oui, putain, tous les rôles sont excellents. La juive qu'ils hébergent, dont j'ai oublié le nom, mais était excellente aussi. Sam Rockwell, bordel de merde, Sam Rockwell dans le film, il tue. Et juste, voyez Jojo Rabbit, quoi. C'est excellent. Et vraiment, tout. Les scènes où il joue sur les clichés des juifs, ça me tue de rire à chaque fois, mais vraiment. Et juste, ouais, matez ce film. Vous avez rien à perdre. Alors, foncez. Voilà, c'était mon top 1. Hugo, c'est à toi de conclure. Donc, avant de conclure, je tiens à revenir sur ce qui s'est passé lors de l'enregistrement. Les aléas du direct, j'ai eu un problème de connexion et c'est pas revenu assez vite pour que je puisse enregistrer mon top 1 avec les autres. Donc, je le fais là au moment du montage. Bref, toujours est-il que je vais quand même parler de mon top 1, évidemment. Et mon top 1 de l'année 2020, c'est Petite fille de Sébastien Lifshitz. Je vois pas en quoi ça dérange les gens. Qu'est-ce que ça peut leur faire? Ma gamine passe à côté de son enfance. Je trouve ça dégueulasse. C'est pas une question de tolérer ou pour moi c'est. C'est un chapeau. Mais comme je dis, de toute façon, c'est son combat, mais c'est le mien aussi. Je sais que ça sera le combat de ma vie. Tu n'es pas la seule pour qui c'est comme ça. On en voit d'autres, des enfants dans cette situation. Alors, pour ceux qui me connaissent hors ce podcast, vous savez que voilà, j'adore ce film. Vous savez que il a eu une place très importante pour moi. J'en ai fait dans mon autre podcast, Daily Movies, un épisode entier où je me suis mis à chialer en plein milieu parce que. Waouh, ce film vraiment, c'est magnifique. Bon, avant, je vais raconter vite fait de quoi ça parle. En gros, on suit le quotidien pendant environ un an, je pense, d'une petite fille transgenre qui s'appelle Sacha, qui a 8 ans, je crois. Et donc, on suit son quotidien et son combat et le combat de sa mère pour qu'elle se fasse accepter comme une vraie petite fille. Donc c'est par le même réalisateur qui avait fait Adolescente, dont je vous ai déjà parlé au début du top, même si je me souviens plus tellement ce que j'ai dit dessus, parce que pour être honnête, l'enregistrement c'était il y a quand même un peu longtemps. Donc voilà, mais on retrouve les mêmes qualités que dans Adolescente. C'est-à-dire qu'en termes de réalisation, on est toujours sur ce truc proche de la fiction, qui est filmé comme de la fiction, si ce n'est que dans Petite Fille, il y a des facecam, ce qu'il n'y a pas dans Adolescente. Voilà. Pareil que dans Adolescente, on a un cadre qui est absolument mais magnifiquement bien travaillé. Il n'y a rien en trop. C'est voilà, que ce soit le cadre ou la photographie, tout est maîtrisé à la perfection. C'est absolument magnifique. Voilà, c'est magnifique. Je le dis dans les deux sens. Je le dis sur le propos et sur le visuel. J'ai jamais autant pleuré devant un film cette année. C'est-à-dire que au bout de, je pense même pas moins de 10 minutes, j'étais déjà en larmes. C'est absolument touchant. C'est en fait, il y a un truc qui m'échappe, c'est putain, mais comment il y a certains humains qui peuvent juste être des merdes et être cons et être cruels envers les gens. Et il y a un moment où la maman de Sacha, enfin je l'ai mis dans le trailer, dans l'extrait, où elle dit mais qu'est-ce que ça peut vous foutre en fait? Oui, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Si elle n'est pas née dans le bon corps, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Laissez-la vivre sa vie en paix. Laissez-la tranquille. Il y a vraiment des moments où je en plus d'être de pleurer de. En fait, j'ai pleuré de tout, j'ai pleuré de joie, parce qu'il y a vraiment un moment où j'étais. Enfin, bref, sans spoiler, il y a un moment où vraiment c'est de la joie pure que j'ai ressentie. J'ai pleuré de tristesse et j'ai pleuré de colère. J'ai pleuré de colère parce qu'il y a des enfoirés, surtout vous verrez l'intrigue avec la prof de danse russe là, qui est ignoble. Mais vraiment, mais si je la retrouve cette personne, mais je lui fous mes deux tartes, mais genre pas des petites, hein, des vraiment grosses tartes. Enfin, je me suis un peu égaré, mais vraiment ça m'a révolté ce moment où elle raconte ce qui s'est passé dans son cours de danse. Ça m'a vraiment révolté. Et oui, c'est un portrait absolument touchant d'une petite fille qui n'arrive pas à se faire accepter comme elle est. Je pense à un plan qui est vraiment mais waouh. Et ce qui est aussi fort dans ce documentaire, c'est que les silences sont vachement plus évocateurs que la parole des fois. C'est-à-dire qu'il y a un plan où on voit Sacha qui est dans son cours de danse et où en fait tout le monde sans exception, mais genre vraiment, a un costume féminin. Et c'est la seule à avoir un costume masculin. Et elle est genre vraiment perdue. Elle sait pas quoi faire au milieu de tout le monde. Et genre j'ai vu ça, j'ai fait waouh. C'est voilà, il n'y a pas d'interview facecam d'enfant, il y a sa sœur, mais sa sœur elle est déjà beaucoup plus âgée, c'est pas un problème, parce que je pense que faire ces plans là justement marque plus que si Sacha était venue à la caméra se confier, déjà que on peut le voir avec la psychiatre, elle a énormément, alors je dis psychiatre, on n'est pas dans les thérapies où on va se dire oh tu penses pas pareil que les autres, tu es malade, il faut te guérir. Non, c'est une psychiatre qui est là pour aider Sacha. Mais bref, elle a dû beaucoup de mal à se confier et quand les moments où elle pleure, mais c'est. Ouah, mon cœur s'est brisé, mais beaucoup trop de fois devant ce film. Et bref, du coup, je pense pas que ça aurait été enfin pas forcément une bonne chose de la mettre en face cam. Surtout que c'est déjà assez de pression comme ça, je pense, un film sur sa vie. Voilà, enfin, regardez, regardez, regardez, absolument, petite fille. C'est l'histoire du combat d'une vie, c'est l'histoire d'un amour maternel, mais immense, immense. Je sais pas si j'ai déjà vu un tel amour maternel dans ma vie, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est immense, c'est sublime. Et d'ailleurs, c'est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube et le site d'Arte jusqu'au 30 janvier. Donc voilà, vous avez environ 2 semaines à la sortie de cet épisode pour regarder Petite Fille. Donc voilà, regardez, regardez, regardez Petite Fille et pleurez. Voilà, parce que c'est beau, c'est vachement beau. Sur ce, il est temps de conclure ce 4e épisode du podcast de la nuit. Comme d'habitude, si vous êtes resté jusque-là, on vous remercie vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, parce qu'on fait vraiment ça, parce que c'est notre passion, voilà, de partager nos coups de cœur, donner des avis sur des films. Donc voilà, si vous êtes encore là, si vous nous écoutez jusque-là, un grand, grand, grand, grand merci. Et donc, du coup, je n'ai pas Ulysse Roman pour vous dire au revoir, mais du coup, je vais le faire moi-même. J'espère que vous avez passé une agréable écoute et on se dit à très vite pour un prochain épisode du podcast de la nuit. What a life.